dans la vie de croisière d'assemblage requis. Stéphanie Gagné avec un plat favori les plus savoureux ou un plat favoureux. Et Simon Fitibé avec les nouvelles geeks de la semaine dans le scoop des internets. Assemblage requis, tout de suite! Bonjour et bienvenue à la vie de croisière d'Assemblage Requis. On est en direct en ce jeudi 21 juillet 2011, en direct du SS Requis sur les vents et marées, sur les différentes eaux-là. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Gagné. Oui, Stéphanie Gagné, en remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret pour toute l'émission cette semaine. I'm back. You're back, en effet. Pour rappeler une petite leçon d'histoire pour les gens, là, t'as commencé en faisant une chronique. À un moment donné, t'as décidé de co-animer avec moi pour l'été passé, c'est ça? Oui. Et puis là, après ça, t'as recommencé ta chronique. Et puis là, t'as déménagé. Donc, t'es plus dans le coin, mais t'es de retour temporairement ici sur Trois-Rivières TR. Quand on le dit même, ma vie est très compliquée, je pense. En effet, mais c'est pas grave, on est heureux de t'avoir à la co-animation, c'est très très bien. Tu vas faire ta chronique, ton plat favori, comme tu le fais à chaque fois qu'on te rencontre. Oui, en effet, puis même si j'ai pas de chronique complète pour Guess What ou des choses comme ça, je vais quand même... Guess What était la chronique sur les nouvelles et les actualités culturelles. C'est culturel, oui. Exactement. Je vais quand même fouiller un petit peu pour vous trouver des petites nouvelles qui se sont passées récemment. Et je vais aussi parler de spectacle, je vais parler de Oceaga qui s'en vient bientôt. Dans combien de jours et de secondes? Dans 9 jours et quelques minutes. Ah oui. Donc, je pourrais pas être là la semaine prochaine pour vous en parler, mais c'est sûr que la semaine d'après, je vous reviens avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails sur ce merveilleux festival. C'est merveilleux. On va avoir aussi Simon Fitibé avec sa chronique Le Scoot des Internets et on va se faire une petite discussion subjective, très, très au goût du jour sur macOS 10 Lyon qui est sorti depuis quelques temps, quelques heures. Nous, on dirait que c'était hier. C'est le nouveau système d'exploitation pour les ordinateurs Macintosh Apple. Ah! Oui. On va avoir deux chroniques, c'est un fait. Comme toujours, je vais vous présenter plein d'affaires pas très utiles à savoir, dont des faits sur Harry Potter, encore une fois. Ah, c'est sûr. Ouais. Si tout rentre dans l'émission d'aujourd'hui, on devrait avoir un poste d'écoute avec Bravo Funken. Ouh! Très bon, ça. Et une chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Est-ce que tu connais cette chronique-là? Ben oui. Ah, tout le monde l'aime. Oh, c'est okay, oui. Des gadgets qui viennent résoudre des problèmes... qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas autant que ça, vraiment. tout ça et plein d'autres belles affaires, dont le palmarès francophone, parce que tout l'été, ici, à la vie de croisière d'Assemblage Requis, on va basculer d'un bar à l'autre. La semaine passée, on a fait de l'anglophone, là, c'est du francophone, donc on va avoir deux nouvelles entrées, dont Erewhon tantôt avec la pièce Le Roi sur l'album Les Canaux, mais on débute en 20e. Oui, on commence avec une nouvelle pièce de Malajube de leur dernier album La Caverne, c'est la pièce Sensu en 20e position. C'est à la vie de croisière d'Assemblage Requis sur C'est Fou, 89 FM. Bon retour, Steph. Ah, merci. Yeah. numéro 19. Nouvelle entrée. Avec la pièce Le Roi de l'album Les Canaux, c'est en 19e position. Avant ça, en 20e place, Malajube avec Sensu sur l'album La Caverne. Ces deux pièces-là sont des nouvelles entrées cette semaine et ce sont les deux seules. Avant d'aller entendre le prochain bloc, les Breastfeeders et Christian Jacques, on va parler un petit peu, Steph et moi, parce que là, Steph qui vient de revenir à la co-animation pour deux semaines. Oui. C'est ça? Cette semaine et dans deux semaines. Exact. Pas la semaine prochaine. Non, exact. Pas la semaine prochaine. Ouais. Donc, t'es de retour, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? T'es où? Tu fais quoi? Comment ça? Parce qu'on a parlé un petit peu la semaine passée, mais les gens aiment être au courant là, des faits là, en temps réel. T'sais. Ouais, mais je fais la même job de tout l'été. Fait que c'est la même chose toutes les semaines. Mm-hmm. Mais les gens n'étaient pas nécessairement là la semaine passée. Tu vas être là toute mission aujourd'hui. Là. Fait que là, faut que je répète encore mon travail. Un peu. Je suis adjoint à la sécurité dans un bâtiment. D'accord. Fait que c'est ça. C'est super. Fait que je m'occupe des blessés, des alarmes de feu, des entrées et sorties dans le bâtiment, etc. Ça, tu fais ça où? À Saint-Angèle. Saint-Angèle, où est-ce? L'autre bord du pont. D'accord. Donc, c'est pas si loin que ça? Non, c'est pas si loin que ça. Première sortie, puis après ça, tu tournes à droite, puis tu tournes à droite, puis tu continues, puis à un moment donné, il y a Saint-Angèle. Puis là, tu cognes, tu fais « Stéphanie! » Non? Non, il y a d'autres rues à tourner après. OK. Et puis, de l'autre côté, ben, t'as déjà déménagé. Oui, déjà déménagé à Gatineau. Hein? Et tu cherches un travail là? Oui, activement, ou plus ou moins. Plus ou moins. Ben c'est dur, tu sais. Je suis à Saint-Angèle pour tout l'été, fait que c'est pas évident d'aller porter des CV. Ouais. Quand on n'est pas là. Fait que pour l'instant, tu fais des allers-retours de là-bas à ici? J'en ai juste fait une fois, puis c'est la semaine passée, et je retourne pas avant d'avoir fini ma job. OK, donc tu pètes ton appartement là-bas, et ici... Et je n'y suis pas. D'accord. Ça a l'air le fun comme situation, j'aime ça. Ouais, hein? Moi aussi, j'aime bien ça. On a hâte de savoir ce qui va se passer pour toi dans les prochains mois à venir. Oh oui, moi aussi, j'ai hâte. Ouais. Sinon, on va retourner tout de suite en palmarès, et puis après ça, on va peut-être parler un petit peu de ce que tu prévois faire côté sortie, ou ce que tu as fait récemment. J'en ai pas fait dans la dernière semaine. Les dernières choses, j'en ai parlé. J'ai parlé du Festival d'été de Québec et du Festivois. Mais ce qui s'en vient, il y a Oceaga qui s'en vient. Il y a aussi un spectacle de Vincent Vallière. Et il y a le FME qui a sorti sa programmation, le Festival de musique émergente à Rouen, qui a sorti sa programmation. Donc, plein de choses dont je vais pouvoir vous parler tantôt. C'est merveilleux. Pour l'instant, on écoute la position numéro... les positions 18 et 17. Tout à l'heure, il y aura Christian Jacques avec le comptoir des viandes qui est stable, mais avant... Avant, on commence avec les Breastfeeders avec Ne perds pas la tête. Il y a deux pièces des Breastfeeders dans le palmarès en ce moment. Vrai? C'est quand même impressionnant. J'aime ça. C'est pas faux. Ouais, on en parlera tantôt. De ta vie de croisière, l'assemblage requis. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver venez manifester votre filet mignon d'intelligence. Il y a une belle brochette de personnel. Et que dire de la clientèle vous traitera comme de véritables morceaux de viande. Dernier endroit branché où marine la déveine dans les parfums chers payés et tous de marque italienne. Toi dans le triangle amoureux, quelle coupe de viande te convient le mieux? Ton triangle passe au carré, la scie ou le couteau de boucher. Oh oui, la vie c'est une vraie boucherie, il ne faudrait pas te reprendre. Ah. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Comptoir des viandes, trouver l'amour dans le comptoir des viandes. Le comptoir des viandes de Christian Jacques en position numéro 17 stable. Juste avant, c'était les Breastfeeders avec Ne perds pas la tête qui descend beaucoup. Mm-hmm. Grosse chute de 15 positions. Ah, pauvre lui. Ouais. Ah, ouais. Steph, tu nous parlais de Cheyaga, mais d'habitude, quand tu nous parles de spectacle, faut mettre ton intro, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu, on est comme vraiment triste de pas l'entendre, c'est Take Me Out. Take me out! On les aimait, tes intros de chronique, Steph, dans le temps. Oui, tellement! Ben oui. Donc, Cheyaga, c'est quand ça? C'est quand? C'est le 29 juillet jusqu'au 1er août. Jusqu'au 32 août. Jusqu'au 31. Jusqu'au 31 juillet. Ah, OK. Oui, puis ça, c'est. Moi, je vais seulement vous parler du festival qui est au Parc Jean-Drapeau, pas Hochelaga en ville. Je vais vous parler seulement du gros festival que tout le monde connaît, du 29 au 31 juillet. Habituellement, c'était seulement deux jours. C'était seulement samedi, dimanche. Et cette année, ils ont tellement de groupes qui ont décidé de le faire sur trois jours. Par contre, le vendredi, c'est seulement le vendredi soir. C'est pas dans la journée aussi. Okay. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de bandes à aller voir. J'ai acheté mes billets cette semaine. Je suis vraiment impatiente d'aller là. Mais par contre, j'ai été un petit peu déçue par le line-up pour ce qui est des gros noms. Moi, Eminem, Elvis Costello... Pas ton genre en tant que ça? Non. Tu sais, je veux dire, j'ai rien contre ni un ni l'autre, mais j'irai pas vraiment les voir là. Fait que, par contre, les autres groupes sont assez bons. Je pense que j'ai fait mon horaire. Si je me trompe pas, je vais voir 17 groupes dans ma fin de semaine. T'es vraiment une fille à budget, toi, mettons. T'sais, ton budget, tu le mets sur une charte, une feuille Excel. Tu fais la même chose pour les spectacles que tu vas aller voir. Tu fais une petite grille horaire, c'est ça? Ouais. Ben là, parce que je veux voir le plus de groupes possible au prix que ça coûte à la Hochelaga. C'est combien? C'est 222. You. C'est ça. Est-ce que c'est pas mal plus cher que c'était quand c'était juste deux jours? Je suis juste allée une fois et c'est il y a deux ans et ça m'avait coûté 130 peut-être. OK, quand même, hein? Fait quand même une grosse différence. Ouais. Ça. Fait que c'est ça. Mais on peut choisir aussi par journée, si je me trompe pas. Mais moi, j'ai pris le forfait pour les trois jours. C'est sûr qu'ils font exprès de toute façon pour éparpiller des spectacles d'un style similaire pour que les gens soient comme déchirés et doivent prendre les trois mais jours. Mais étonnamment, il y en a pas beaucoup de fois que j'ai été déchirée. Je vais vous dire à peu près ce que moi, j'ai l'intention d'aller voir. J'ai l'horaire devant moi. Et bon, pour ce qui est du vendredi soir, il y a Bran Van à 5h20 que je risque d'aller voir. Je finis de travailler vers 3h, donc tout de suite après, pouf! Je m'en vais à Montréal pour essayer de les voir. Après, sur la scène juste à côté, Broken Social Scene qui vont être là. Il y a Joseph Arthur et Kid Cudi qui sont en même temps, mais bon, c'est deux styles complètement différents. Ensuite, Janelle Monáe sur la même scène que Broken Social Scene après. Ça, j'ai vraiment hâte. J'adore Janelle Monáe. Et après, soit que vous allez voir Timber, qu'on a manqué un petit peu parce que ça commence pendant la fin de Janelle Monáe. Ou Eminem. Ah. Mais c'est ça. Moi, je pense pas que je vais aller voir Eminem. Je pense que je vais aller voir la fin de Timbre. Ensuite de ça, pour ce qui est du samedi, encore plus de groupes à aller voir. Ça commence à 13h. La plupart des groupes qui sont plus tôt dans la journée, c'est des groupes qu'on connaît un peu moins. Comme là, à 13h, il y a de... Two-two-twos. Est-ce que tu connais? The Two-two-twos, non. J'ai aucune idée, c'est qui. Et Passwords, il y a aussi Jésus les filles qui joue à 13h10. Il y a Manchester Orchestra que je vais voir à 14h, suivi de Hey Rosetta. Ensuite de ça, il y a Braids qui est en même temps que Tokyo Police Club Mother. Oh, carrément. Les trois en même temps. Ah non, qu'est-ce que ça, c'est vraiment sadique. Mais Braids, je les connais plus ou moins. Tokyo Police Club, je les ai déjà vus. Ouais. Alors, je vais opter pour Mother Mother, que j'étais censée voir au Blues Fest à Ottawa. Mais finalement, je me suis dit, je vais aller les voir à Oshiaga à la place, tant qu'à payer 40$ pour les voir juste eux à Ottawa. Je vais aller les voir à Oshiaga. C'est tellement, tellement, tellement bon, Mother Mother. Hein? Tellement. On adore. Ah, oh, ouais. Tellement. Même pas de sens. C'est sur le palmarès anglophone, d'ailleurs. On l'entendra peut-être un petit peu plus tard l'émission. Ah, oh, peut-être. En plus, la pièce qui est au palmarès, là, trop bonne. On va la mettre après ta chronique, juste là, tantôt. Pourquoi pas? Ouais. Ensuite, là, Sam Roberts Band qui va être là, Carquois qui va être là quasiment en même temps que Sons, que j'aimerais aussi voir. J'ai déjà vu Carquois, mais j'ai pas vu leur spectacle depuis le dernier album. Donc, je suis un peu déchirée. Je pense que je vais aller voir le début de Sons, peut-être une quinzaine de minutes, puisque je vais transférer à Carquois après. Il y a Lupe Fiasco, qui n'est pas mon genre, mais ça doit être le fun quand même à voir en spectacle. Il y a P.S. I Love You, mais j'ai déjà vu. Ensuite, Death From Above 1979, groupe assez attendu à Oshiaga. Ensuite, Bright Eyes ou Ratatat. J'ai pas encore choisi entre les deux. Ça reste à voir. Et ensuite, vers la fin de la soirée, Elvis Costello, que je penserais pas aller voir. Je pense que je vais prendre une petite pause et je vais attendre à 22h10 pour le groupe Fucked Up. Ooh. Yes. Et en passant, pendant que je download le dimanche, tout le long, il y a non seulement les quatre scènes qu'on connaît déjà, il y a deux scènes principales qui sont une à côté de l'autre et qui jouent une après l'autre. Il y a les deux autres scènes qui sont plus loin, cachées. Et en plus, il va y avoir une scène pique-nique électronique avec des sets de DJ tout le temps. Pour ce qui est du dimanche, Anne Horse à 14h, en même temps que Jimmy Hunt. Mais j'aime mieux Anne Horse. Et en plus, ils sont australiens, fait qu'on les voit pas très souvent. Ah. Fait que je vais aller voir Anne Horse. Ensuite de ça, il y a sur la même scène Smith Westerns, que j'ai vraiment hâte d'aller voir. Mm-hmm. Après ça, je vais avoir manqué le début de The Sounds, mais je vais aller voir The Sounds tout de suite après. Ensuite, The Pains of Being Pure at Heart. Après ça, Malajub, qu'on a entendu plus tôt avec leur nouvelle entrée. Après ça, Beirut à 17h50, suivi de City and Color, que j'ai vraiment hâte de revoir. Je l'ai vu une fois et j'ai adoré. C'était en première partie, fait qu'il n'y avait pas assez de chansons. On l'a eu en entrevue plutôt cet été. Hein? C'est pas ça? Je savais et j'étais tellement, tellement, tellement triste de ne pas être là. Je l'aime tellement, Céline Coder. Selon moi, c'est le gars avec la plus belle voix au monde. J'adore. Ensuite de ça, White Lies, que je vais avoir manqué le début encore une fois, mais parce que je vais rester à Céline Coder quand même. Je ne peux pas rater ça. Ensuite, The Tragically Hip, je pense que je vais aller souper pendant ce temps-là. Après, Death Cab for Cutie en même temps que Crystal Castles. Mais moi, Crystal Castles, on pas sait tant, comment hein? Je les aime. Ouais. Alors, je vote Death Cab for Cutie, que j'ai jamais vu en spectacle encore. Et fin de la soirée, The Flaming Lips, qui est le gros spectacle. Mais moi, je vais plutôt opter pour aller voir Galaxy à 22h20. Ouh. Ouais, le spectacle plus tard, dans le fond, le dernier spectacle de la fin de semaine. Parlant d'heures comme ça, qui sont vraiment très exactes, tu disais 17h50, 22h10. Ouais, mais c'est vraiment comme ça sur l'horaire de Oshiaga, c'est fou. Parce que pour les gens qui ont fait des horaires, tu ne dois pas être la seule. J'imagine qu'ils sont obligés de respecter les heures de début de spectacle, sinon ça défait vraiment tes plans. Ouais, vraiment. Ouais. Il faut que ça commence à temps, parce que dans le fond, les bandes n'ont pas nécessairement comme 30 minutes, une heure et demie. Admettons, Cillian Color joue de 18h35 à 19h25. Hey. 50 minutes, pas c'est une ça, heure. 50 minutes. Ouais. 50 minutes. C'est comme bien ça pour plusieurs bandes. Il y a Beirut qui est de 17h50 à 18h35. C'est vraiment très exact. Fois. Je trouve ça drôle comment ils font ça, mais bon. Je trouve ça dommage que les spectacles ne durent pas tous le même nombre de temps. Comme ça, des fois, tu manques le début d'un spectacle. Ou... Ouais. Mais c'est plus facile pour eux, j'imagine, en coupant 5 minutes à plusieurs artistes de suite, t'en insères un autre. T'sais. C'est un peu comme la raison pour laquelle les cadrans, c'est 9 minutes de snooze. T'sais. Comme ça, tu rentres une fois de plus dans ton cadran, dans ton heure. Hein? Hein, pensez-y, là. Pas fou. Quand même, c'est pas fou. Donc, on rappelle les dates de Oshiaga. C'est du 29 au 31 juillet 2011. Il reste des billets. Il reste pas de billets VIP, siège, tout ça, là. Mais il reste des billets admission générale. Parfait. On va aller entendre un des groupes qui va être à Oshiaga, évidemment. C'est Mother Mother, qu'on adore, qui sont sur le palmarès en position numéro 16. Ça descend de 12 places. Ça, c'est triste. C'est The Stand. Excellente pièce. On écoute ça à l'instant. À l'instant. Allez voir le vidéoclip aussi. Oui. Très, très bon. Tout à fait. Hey! Vous êtes à la vie de croisière de Sauvage Rocky. I keep it a secret. Oh, come on, just one bite.

numéro 15. Qu'est-ce que tu fais de la formation Les Jigs, 15e position? Toujours drôle quand on revient d'un bloc musical avec « Qu'est-ce que tu fais? » Qu'est-ce que tu fais? Avant, c'était Panache avec Catherine ou Une journée mémorable. Ça descend de deux places. Maintenant, c'est le moment de parler de choses tellement utiles à savoir. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables ici à Assemblage Requis. On va commencer avec des faits sur Harry Potter. Je sais que t'es très excité pour le nouveau film. Oui, je l'ai pas vu encore. Non, il est sorti la semaine passée, c'est ça? Oui, mais j'ai hâte d'aller voir. Je pense que je vais essayer d'aller voir en 3D. Nous, on va essayer d'aller. Ben, moi et ma copine, on va essayer d'aller voir en 3D, mais au mois d'août. Je sais pas si ça va être encore l'affiche en 3D. J'espère. Je sais pas. On veut les petites. Apparemment, qu'il y a des. Je sais pas si c'est partout, des cinémas qui ont des lunettes à la Harry Potter en 3D. Ah ouais? Genre de grosses lunettes rondes. C'est le fun, ça? Aucune idée. Donc, pendant tous les films d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, qui est évidemment l'acteur qui joue Harry, a utilisé plus de 70 baguettes magiques et porté plus de 160 différentes paires de lunettes. On se rappelle que la semaine passée, dans la chronique C'est un fait, on avait parlé du fait qu'il fallait appliquer comme des milliers de fois la cicatrice dans son front. Là. C'était un des faits. Ah, c'est sûr. Donc, ça s'ajoute à ça. Il y a aussi 588 plateaux uniques qui ont dû être construits pendant les 8 films de la série. Complètement fou. Débile. Tellement d'argent là-dedans, là, c'est l'enfer. Et tu dis, mais les profits qu'ils font après ça? Ça aussi, ouais. C'est l'enfer. Parlant de profit, un gros profit va à Daniel Radcliffe, évidemment, qui était payé 80 fois plus d'argent pour le dernier film d'Harry Potter qui vient de sortir par rapport au premier. 80 fois. C'est exponentiel, ça. Damn! Pour Harry Potter and the Sorcerer's Stone ou Philosopher's Stone, dépendant du territoire que vous habitez. Le garçon de 11 ans à l'époque, Radcliffe, s'est fait un quart de million de dollars. Donc, c'est pour le premier film. La petite monnaie comparée à ce qu'il a fait pour les deux derniers films d'Harry Potter une décennie plus tard, 20 millions de dollars par film. On pourrait s'attendre, comme on s'y attendait, évidemment, le salaire a augmenté, évidemment, à cause de la popularité du film. Mais si on met ça en perspective, il a fait moins de 25 millions pour les quatre premiers films. Si on regarde 20 millions de dollars par film pour les deux derniers, tu sais. Quand même. En perspective, c'est quelque chose. Un autre fait sur Harry Potter, le dernier. L'acteur Richard Harris, au début, ne voulait pas accepter le rôle de Dumbledore dans les premiers films d'Harry Potter. C'est vrai, parce que sa santé était déjà en détérioration à ce moment-là. Donc, il voulait pas s'engager à une série qui avait le potentiel de faire 6 ou 7 films. Évidemment, là, c'est devenu 8 parce qu'on a divisé le dernier en 2. Hein? Profit. Par contre, en entendant cette nouvelle-là, c'était sa petite-fille. Comment tu dis ça, arrière-petite-fille? C'est ouais, la fille exact. De ta... Bon. Cette fille-là, qui avait 11 ans à l'époque, a menacé de ne plus jamais parler à son grand-père. Oh non! Oui, donc il a fait face à cet ultimatum, a décidé de choisir de prendre le rôle. Évidemment, son instinct était exactement vrai parce qu'il a fini par mourir après ça. Il a décidé en filmant le 3e film de la série, a été remplacé par Michael Gambon pour les 6 films suivants. Oh. Ouais, triste. Le sucre ne rend pas les enfants hyperactifs. On parlait de sucre tantôt parce que de ces temps-ci, tu bois du Coke saveur originale et non diète. Non. Ce n'est pas voulu. Ah! Je prends du diète et quand il n'y en a pas, j'accepte de prendre du pas diète. Avant, je prenais rien dans ce temps-là. Tu me fais peur quand tu mets ta canette par-dessus l'ordinateur comme ça. Ben, c'est mon ordinateur, fait que c'est moins pire. Ouais, je sais, c'est pas comme si je le mettrais par-dessus la console. Enfin bon. Ouais, c'est ça. Le sucre, donc, ne rend pas les enfants hyperactifs. En fait, ça a été prouvé par plusieurs études que ça n'affecte pas leur comportement du tout. Une étude de 1994 a découvert c'est les parents qui pensaient que les enfants devenaient hyperactifs. Donc, c'est une question de... on pense ça, donc on a l'impression et on fait comme si les enfants avaient un comportement pire quand il y a du sucre. C'est comme psychologique, tout ça. C'est pas vrai. My God! Les docteurs de l'Université d'Indiana, en 2008, ont découvert que sur 12 études, ils ont étudié... Dans le fond, ils ont fait une étude pour étudier 12 autres études. On a découvert qu'il n'y avait aucune corrélation entre la consommation de sucre et l'hyperactivité. Et c'est resté vrai même chez les enfants qui sont hyperactifs en tant que tels. Donc le sucre n'empire pas leur syndrome d'hyperactivité et de déficit d'attention. C'est bien. J'aime ça. On reste dans le sucre. Dans ce cas-ci, les barres Snickers ont été nommées en hommage à un cheval. Le créateur de la barre de chocolat la plus populaire au monde s'appelait Frank Mars. D'accord? Et le cheval préféré de M. Mars s'appelait Snickers, donc il a choisi de donner ce nom-là à la barre de chocolat. Mars Inc. est encore une entreprise familiale, nous dit-on, eux qui produisent d'autres barres de chocolat, dont évidemment la Mars. Three Musketeers, Combos, je connais pas du tout, Skittles, les chocolats Dove, les M&M, Milky Way, qu'on n'a pas ici non plus, je crois, Starburst et Twix. Ils produisent même, la compagnie Mars, la nourriture pour chat Whiskas. C'est bien. Ouais. Savais-tu aussi qu'au Royaume-Uni, Snickers s'appelait Marathon, ou Marathon, jusqu'en 1990. Et ensuite, ils ont décidé de changer de nom pour que ce soit partout pareil dans le monde. Les compagnies finissent par faire ça à un moment donné, genre pour avoir un seul logo et avoir une seule personne à payer pour construire le logo à la place d'en avoir plusieurs. Bref, ils ont changé de nom en 1990 et là-bas, ils sont passés de la barre de chocolat la plus populaire à la 3e barre de chocolat la plus populaire, juste en changeant de nom. Les gens n'étaient pas habitués. Marathon, première position. Snickers, 3e. Étrange. Étrange, en effet. On reste dans le sucré, ici, avec des gâteaux de mariage. Savais-tu qu'à l'origine, on lançait... Au moins une fois par semaine, il faut que je m'enferme dans mes mots. drôle de rituel, ici, qui date à l'époque médiévale et qui symbolisait la fertilité de la mariée. Donc, ce qui est étrange, c'est que tous les gâteaux, les pâtisseries, on les mettait en plein milieu de la salle et le couple devait essayer de s'embrasser par-dessus la pile de gâteaux. Ça attend chacun de leur bord de la pile, ils essayaient de s'embrasser. S'ils réussissaient ça, ça voulait dire qu'ils auraient une vie complète de bonne fortune. Dans les années 1600, un chef français visitait un mariage et évidemment trouvait ça horrible de gaspiller de la nourriture comme ça parce que ça devait arriver que les gens tombaient dedans. Hein, c'est sûr. Donc, il a décidé de faire à la place un gâteau sur étage, à la place d'empiler des gâteaux en étage aussi. C'est. Donc, il a pris des bâtons de le bâton du balai, le bois, coupé plusieurs fois dans les gâteaux, ensuite mettre l'autre surface du gâteau par-dessus. C'est pour ça que ça donnait un gâteau en étage. Tu comprends ça? Mais c'est pas devenu populaire avant 200 ans plus tard. 200 ans. Quelque chose, hein? Eh ben, on reste dans la cuisine maintenant. Au Japon, la tradition de Noël, c'est de manger du PFK. Hein? C'est pas ça, hein? Une tradition depuis les années 1970, parce que la dinde de Noël est difficile à trouver au Japon. Donc, les gens, à la place, prennent quelque chose qui lui ressemble étrangement. C'est du poulet frit. Donc, la mode a commencé en 1974 dans un Kentucky Fried Chicken de Aoyama, un quartier de Tokyo, qui avait un menu spécial de Noël. C'était du poulet et du vin pour $10. Bon. Et c'est devenu depuis ce temps-là une campagne de publicité, une campagne publicitaire annuelle de la part de PFK au Japon. Selon un porte-parole de PFK, au Japon, Noël égale PFK. Hein? Les ventes de PFK sont entre 5 et 10 fois plus élevées pendant la période des fêtes que le reste de l'année. Et c'est pas rare de voir de très très longues files d'attente à l'extérieur des restaurants PFK à Noël. Étrange. Étrange. Je répète tout le temps le mot que tu utilises. Je peux pas si tu as remarqué. Ada? Louche. Louche. Spécial. Spécial. Je vais devenir le prochain. Vas-y. Non, bon. Mexico et Luxembourg sont les deux seules villes du monde qui ont la lettre X à l'intérieur de leur ville. Mexico et Luxembourg. Wow, vraiment utile à savoir. Les deux seuls pays au monde à être appelés avec la lettre X. Bon, c'est bon. Ouais, mais c'est utile, c'est le but de la chronique. Hein. Bagdad, la capitale de l'Irak, veut dire « don de Dieu » en perse. Ah. Super. Hein? Beijing, Séoul et Tokyo veulent tous dire « capitale » dans leur langue respective. Hein? Hein? C'est original, ça. C'est ça. Hein? C'est comme, c'est quoi la capitale du Canada, là? C'est pas mal où j'habite, ça. Ottawa, ça. Ottawa. Ottawa. C'est comme si nous autres, ça s'appelait capitale. Non. Ça valait la peine de l'expliquer parce que personne n'avait compris. Hein. Savais-tu que les coquerelles ne survivraient pas à une attaque, à une explosion nucléaire? T'sais, on dit tout le temps, bon, les coquerelles, c'est tellement puissant et tellement fort que ça, tu sais. Non. Je sais. As-tu déjà vu le film Le Rocher? Non, j'ai jamais vu ça. C'est un gars qui est spécialisé dans la biologie chimique, toutes ces affaires-là. Uh-huh. Puis là, il y a un gros soute, là, puis là, il ouvre des trucs, des boîtes, admettons, qui viennent d'ailleurs, puis qui pense qu'il pourrait y avoir un gaz toxique là-dedans. Puis il amène une boîte avec des coquerelles dedans. Uh-huh. Puis quand il meurt, ben on sait qu'il y a de quoi de louche. Ah! Donc, l'habileté d'une coquerelle de se reproduire est compromise après qu'elle ait été exposée à 1000 rads, qui est une unité de radiation. C'est donc la radiation à laquelle une coquerelle... Attends, c'est essoufflant. C'est ça, c'est essoufflant. Si toutes les coquerelles étaient frappées par 1000 rads ou plus, la population de coquerelles finirait par mourir assez rapidement. 6400 rads tueraient même les coquerelles les plus jeunes et 10 000 seraient assez pour tuer une coquerelle adulte. Ce qui est impressionnant comparé aux êtres humains, nous dit-on, qui ne peuvent survivre qu'entre 400 et 1000 rads. Hein? Les coquerelles sont rien par rapport à la Abrobracoon wasp, qui peut survivre jusqu'à 180 000 rads, ou le Deinococcus radiodurans bacteria, une bactérie, on s'imagine, qui peut endurer 1,5 million de rads, 3 millions si elle est congelée, comparé à 400 ou 1000 pour les êtres humains. Hein? On reste dans les animaux. Les escargots peuvent survivre après s'être fait manger par un oiseau. Une nouvelle recherche montre que les escargots peuvent survivre à travers le système digestif d'un oiseau. Certains ont même réussi à sortir des excréments, là, des petits cadeaux. Là. Et puis ensuite se reproduire après leur aventure. C'est quelque chose. Les chercheurs de l'université Tohoku ont découvert deux espèces d'oiseaux qui ont choisi comme proie les escargots et qui étaient capables de donc les passer sans les désintégrer, si on veut. 14,3% des escargots mangés par le Japanese White Eye et 16,4% de ceux mangés par les Brown-Eared Bulbul ont survécu au processus digestif. Comment est-ce qu'ils ont cherché tout ça? En tout cas, dans leurs études, c'était 16,4% et 14,3%. Intéressant. Toujours dans les insectes maintenant, la piqûre la plus douloureuse du monde, c'est la bullet ant, qui apparemment, ben, d'où son nom, hein, c'est comme se faire tirer dessus quand tu te fais mordre par une bullet ant. La même sensation. J'imagine qu'ils ont trouvé quelqu'un qui s'était fait aussi tirer pour pouvoir faire la comparaison. Donc, la paraponera, qui est connue sous le nom de 24 ant, donc c'est fait une piqûre qui peut faire mal pendant 24 heures. Et ça peut aussi causer une paralysie, allons-y avec les mots. Hein. Ces fourmis-là vivent dans les forêts pluvieuses de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Elles peuvent se rendre jusqu'à 30 mm de long, ce qui est 1,18 pouces, et ils ressemblent à des espèces de grosses affaires, pas d'elles. Le peuple Sataré-Waué du Brésil laisse intentionnellement ces fourmis-là les piquer. Ça fait partie d'un processus de rituel d'initiation. Imaginez, à l'université, si on avait ça comme initiation, hein? Il nous en reste quelques-uns, toujours sur les insectes. Les ailes des insectes, tu sais, les belles petites ailes, là, tu sais, là, les gens, là, sont remplies de veines. Et, disons un petit peu ici. Il n'y a pas grand-chose d'autre que ça dans les ailes des insectes. C'est vraiment juste des veines connectées à une petite membrane très, très mince. Chaque espèce d'insecte qui a des ailes est différente, mais ils ont typiquement entre 6 et 8 veines principales qui s'appellent des veines longitudinales, qui ont chacune leur propre nom et leur propre fonction. Ces branches-là vont vers des plus petites veines sur leur corps et les veines-là ces veines-là soutiennent les membranes des ailes, ce qui leur permet de voler. C'est aussi nécessaire pour le système de circulation de l'animal et aussi son système respiratoire. C'est un petit peu plus éducatif qu'à l'habitude, cette chronique-là. En ne payant pas leurs stagiaires avec un salaire minimum, les compagnies américaines sauvent ou économisent 2 milliards de dollars par année. On dit que 48% des stages ne sont pas payés. Vu qu'ils n'ont pas à leur payer le salaire minimum, donc ils sauvent plein d'argent comparé à engager quelqu'un au salaire minimum. Eh bien. Un complexe d'appartements, donc un bloc appartement dans le New Hampshire, demande un échantillon d'ADN pour tous les chiens. Devine pourquoi? Pourquoi? Très bonne idée. Ben parce que comme ça, si tu ramasses pas ton besoin, ils peuvent retracer ton chien, puis c'est à toi qu'elle va la mendre. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Beaucoup d'argent dépensé pour rien. Ben peut-être, mais en même temps, beaucoup d'argent sauvé à ne pas engager quelqu'un qui vient ramasser ta... Ça doit coûter plus cher. Je sais pas. Peut-être. Ça doit coûter plus cher faire des analyses d'ADN que de ramasser. Mais des fois, le bien-être social, ça coûte cher, mais c'est bien, non? Je trouve que c'est un goût de luxe, pas mal. Peut-être. Et on termine avec ce fait tellement fabuleux. Capitaine Crunch. Oui. Il y a un nom complet, c'est ça? On en apprend comme ça, une fois de temps en temps, des noms complets de personnages de Capitaine de The Crunch. Ça serait bien. Ben, presque, en fait, presque. C'est Capitaine Horatio Magellan Crunch. J'étais proche. Ben, quand même, là. Capitaine Crunch, mais avec Horatio Magellan, les deux, j'aime ça. Voilà pour la chronique, c'est un fait. Première partie, il y en aura une autre tantôt, si tout va bien. Hein? Si tout va mal. Ouais, on n'aura pas le temps. Ça arrive, tu sais. Pour l'instant, on retourne en palmarès. On est rendu aux positions 13 et 14. Tout à l'heure, il y aura Jean-Philippe avec Embarque ma belle. Et on commence avec Peter et Réfractaire en 14e position. Ben oui, ça, toi. Puis plus tard, qu'est-ce qu'on va voir aussi? Stéphanie qui va nous parler. Oui, de mon plat favori. Une pièce que j'écoute non-stop depuis un mois. Puis tu t'es pas encore rendu compte que tu pouvais le mettre dans ta chronique. T'as comme réalisé ça ce matin. Hein? Ouais. Super. Ça ressemble pas mal à ça. Tranche de vie. Réfractaire, Peter, et les croisières, l'assemblage requis sur ses feux. Seul à l'âme, non, il n'entend aucun hymne, Numéro 13. On s'est mis de revenir, le lecteur se démarche pas, fait que je vais attendre pour le prochain. Oh non! Ça on va écouter Jean-Philippe avec Embarque ma belle à l'instant. Ça a même pas paru qu'on est revenu en vie 2. Incognito! Incognito! Pierre à ma peau! Ah, chalala! Jean-Philippe et embarque ma belle en position numéro 13, se descend de deux places, sixième semaine de présence. Et avant, c'était Peter Peter avec Réfractaire, 14e position. Ben oui, ça donne à être la fin de la première heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Dans la deuxième heure, on va voir Simon Fitzbé avec son excellente chronique Le Scout des Internets. On va avoir une petite discussion très subjective, là, lui et moi, avec nos goûts personnels de la nouvelle mouture du système d'exploitation des ordinateurs Mac. C'est macOS 10 Lyon. Tout à l'heure. Hein, ça t'endort, hein? On va essayer de pas trop faire ça trop technique, là, mais... En tout cas. Donc, restez avec nous, puis il va aussi y avoir quoi d'autre dans la deuxième heure? Peut-être quelque chose de Steph? Peut-être quelque chose de moi? Peut-être? Peut-être. Peut-être rien du tout. Peut-être qu'on va juste passer de la musique, puis on va se rendre au numéro 1, alors qu'il va nous rester 2 heures de temps. On sait pas. Parce qu'on va beaucoup trop vite dans les palmarès, ici. C'est pas grave. Pas grave. Ça reste bon, ça. C'est 4 heures de pur bonheur. Restez là. assez fou pour l'écouter. 89.1. Bonjour, c'est la deuxième heure de la vie de croisière d'assemblage requis. Moi, c'est... c'est Stéphanie Magnier en remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret, ça je voulais dire. Et lui, c'est Mathieu Plante en remplacement de personne. Tu l'as même pas dit aussi vite que moi. C'était un concours pour voir la vitesse de ton parlage. C'est pas grave. Comme dans Gilmore Girls. En français, ils doivent pas parler aussi vite que ça. Hein? Je sais pas, j'ai jamais écouté en français. Quoique, en français, il y a comme deux fois plus de mots dans chaque phrase qu'en anglais. Donc, j'imagine qu'ils ont pas le choix de parler vite dans toutes les émissions de télé. Donc, Gilmore Girls par association. Hein? Voilà. Donc, bon retour. On est toujours à Assemblage requis. On va toujours continuer tantôt avec les palmarès des semaines du 18 au 31 juillet 2011. On va avoir tout à l'heure le Globe et Monogrenade. Mais avant ça, on va se faire un petit bloc anglophone. Hein? Parce que là, on est en franco cette semaine. On bascule, tu sais. Vous connaissez le concept. Hein? Donc, on écoute un petit peu d'anglo juste pour balancer la chose encore plus. T'sais? Non? Ça te semble? Ben oui. Bon. Donc, on va entendre ta suggestion, Dragonette, tout à l'heure. Oui, on va entendre la pièce I Get Around, mais on commence avec un groupe que je connais pas encore. Mm-hmm, mais pourquoi tu voulais les entendre déjà? Parce que c'est dans le palmarès, c'est aussi c'est sur la liste des prix Polaris. Des prix Polaris. Voilà. Donc on va entendre le morceau Beat and the Pulse à l'instant sur C'est fou 89 FM. La radio campus de Trois-Rivières. La seule. Pourtant j'ai le dernier mot, hein. Je pourrais pas juste. Tout le temps. C'est fatigué. Ah, je l'ai encore fait. Yeah! Got it. We'll be right back. Get Around the Dragonette sur leur album Galore. Yes. Oui, avant ça, on a entendu Ostra avec le morceau Beat and Pulse. C'est en deuxième position du palmarès anglophone. Yep. Et là, je vais vous parler un petit peu du prix Polaris. Donc, ça fait quelque temps qu'on connaît les groupes qui sont dans la liste courte. Donc, c'est le 19 septembre, le gala, pour choisir qui va être le grand gagnant. L'année passée, on sait que c'était Carquois. Ben oui. Et ça a fait beaucoup, beaucoup jaser, vu que c'est un groupe francophone, blablabla. Ça reste à voir. Selon moi, le Québec va encore rafler le prix. Ah parce oui? que le premier groupe que je vous nomme, Arcade Fire. OK, oui. On s'entend, ils ont pas mal tout gagné dans la vie dans la dernière année. Donc, ça serait vraiment étonnant. Puis, il y aurait... Je pense que ça serait vraiment épouvantable qu'ils ne donnent pas Arcade Fire. Je pense qu'il y aurait du monde dans les rues, puis du... Ah oui. Du grabuge. Je pense. Ah, c'est épouvantable. Donc, à part Arcade Fire avec leur dernier album The Suburbs, il y a Ostra qu'on a entendu tantôt avec l'album Feel It Break. Il y a Braids avec Native Speaker. Destroyer, que je connais pas. L'album Capote, donc il faut que j'aille écouter ça. Galaxy avec l'album Tigre et Diesel. Donc, si vous écoutez pas Galaxy, si vous connaissez pas, je vous suggère fortement d'aller écouter l'album puisqu'ils ont quand même battu Malajume pour faire la liste courte. Et si vous connaissez pas Galaxy, c'est que vous écoutez pas les émissions de C'est Fou. Mais par contre, si vous écoutez C'est Fou en général, peut-être que vous avez entendu Galaxy jouer dans des émissions qui ne sont pas animées par des animateurs, et ils vont peut-être vous dire quelque chose ces pièces-là parce que c'est certaines des meilleures qu'on joue sur nos ondes. En effet. Procurez-vous ça là. Puis ils vont être à Oceaga aussi. Oui. Procurez-vous des billets pour Oceaga. Achetez tout ce qu'il y a pour tout le monde. Achetez-vous-en plusieurs copies en fait. Ensuite de ça, Hey Rosetta avec l'album Seeds. Quelqu'un d'autre que je connais pas, Ron Sexsmith avec l'album Long Player Late Bloomer, que je connais pas. Colin Stetson, que je connais pas non plus, l'album New History Warfare Volume 2 Judges. L'album Creep On, Creepin' On. Timber Timber. Timber Timber. Ben oui. J'aime tellement le titre de l'album. Et finalement, The Weeknd avec l'album House of Balloons. Et tant qu'à parler du prix Polaris, pourquoi ne pas parler aussi du prix Mercury, qui est en fait pas mal l'équivalent du prix Polaris, mais l'autre côté de l'océan, donc Royaume-Uni, Irlande, dans ce coin-là. Par contre, des fois, il y a des artistes un peu plus connus, comme présentement Adele, qui, on s'entend, passe pas mal à la radio. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Très connue. Donc, pour son album 21, il y a Anna Calvi pour son album éponyme. Elbow avec Build the Rocket Boys. James Blake, que j'adore. Je vote James Blake pour son album éponyme. Metronomy pour English Riviera. PJ Harvey pour Let England Shake. Ça aussi, c'est quand même... ça serait pas pire que PJ Harvey gagne. Tiny Temper pour Discovery, etc., etc. Et le prix pour le Mercury Prize, c'est le 7 septembre prochain. Wow! Et l'année passée, c'est VXX qui l'ont gagné. Ben, c'est ça. Autre que d'écouter C'est Fou, je dirais que d'aller écouter les albums qui sont nominés au prix Polaris et l'autre, là, sont sûrement Mercury, sont une bonne façon aussi de découvrir la musique indépendante que vous n'avez pas encore entendue. Oui. Ah. Comme moi, par exemple, à Oceaga, il y a plein de bandes que je connais pas, mais... Je m'oblige à toutes les écouter avant Oceaga. Voilà. D'un coup, qu'il y a un band super bon que je connais pas encore. Les prix et les festivals. Les festivals. Yes. Bon. Ah, j'aime ce mot-là. Il n'existe pas, j'espère. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis. Est-ce que t'as d'autres nouvelles musicales ou artistiques plus tard, tu penses, Peut-être. Dans l'émission? Parce qu'on n'a pas mis ta musique, ça aurait été bien. Oh, on peut la garder pour plus tard. Je vais essayer de me trouver quelque chose à dire. Trouve-en au moins une, juste pour qu'on puisse jouer ta musique de chronique. Ça fait d'accord. Trop longtemps. Alors, on va retourner au palmarès francophone. Ça fait déjà un petit bout qu'on l'a délaissé depuis, je dirais, pas mal le début de cette heure-ci. Tout à l'heure, il va y avoir le Globe avec 77 qui descend de la 8e place. Et en 12e position, c'est Monogrenade avec ma pièce préférée de leur album Tantal, la pièce La Marge, qui descend de 8 positions. Ah! Est-ce que l'intro est bonne sur le CD de Monogrenade? On sait pas. On n'a jamais entendu l'intro parce que La Marge, c'est la pièce numéro 2 du CD. La numéro 1, pièce qui ne prend que 1 minute 14 de votre temps. Donc, on va essayer ça de la jouer. C'est une première fois. Peut-être que c'est super mauvais comme intro aussi. Non, je pense pas que ce soit mauvais. Non, mais ça me surprendrait si c'est Monogrenade. C'est ça. Ouais. Vous êtes assez fou, 89 FM. numéro 11. Qu'est-ce qui se passe dans cette tête? On s'en met toujours à 77. Et tout le monde est un esthète. L'apocalypse devient une fête. Le Globe avec 77 en 11e position. Ça descend de 3 places. Et avant, c'était Monogrenade avec La Marge qui descend de 8 places de la 4e à la 12e. C'est une chute, hein? Ça, c'est quand même. C'est triste. Ben oui, c'est triste. Ce qui n'est pas triste, par contre, c'est découvrir de la nouvelle musique une fois de temps en temps, genre une fois par mois. C'est le poste d'écoute. Le poste d'écoute d'Assemblage Requis, c'est l'endroit dans l'émission où on découvre un nouvel album qu'on a reçu dans la discothèque depuis les dernières semaines. Et là, on va entendre un petit peu de Bravo Funkin. On a reçu seulement un maxi de leur part, 4 pièces, mais qui, j'imagine, sont très bonnes parce qu'on se rappelle de leur précédent maxi qui, lui, s'appelait Mille Miroirs, qui était très bon. Le nouveau s'appelle Cœur Rubik. Et là-dessus, donc, les 4 pièces qu'on retrouve, il y a Cœur Rubik, Zombie, Boîte à savon et Rêve Caramel. J'ai bien hâte de découvrir ça. Moi aussi. On va en parler après et on va aller tout à fait dans l'ordre d'un poste d'écoute. C'est l'idée de la chose. Commençons par la pièce Cœur Rubik tout de suite dans le poste d'écoute. C'est fou. Ah. Commence comme une chanson. Ça ressemble à une chanson. Ha

ses lèvres se posent sur moi. Il ne saura jamais que tu l'aimes, il ne saura jamais que tu l'aimes. Je capote. C'est vraiment bon. C'est bon. Surtout la dernière, je trouve que c'est ma préférée. Très, très bonne. Vraiment très bonne. Boîte à savon. Oui, boîte à savon. Avant ça, c'était Zombies. Et au début du bloc, c'était Cœur Rubik et trois pièces. Les trois premières de quatre, finalement, du nouveau maxi Cœur Rubik de Bravo Funken. On était excités de l'écouter, même s'il y a juste quatre pièces. Bon. On était excités d'entendre celles qu'on n'a pas entendues. Ben, tout à fait. Mais à un moment donné, on va pas prendre 20 minutes pour une chronique. Sauf que. Bravo Funken, donc les membres du groupe sont François Leclerc, Jérôme Labonté, Vincent Lefebvre, Mélissa Lefebvre et Raphaël Rodriguez. Un groupe de Montréal indépendant qu'on peut trouver sur bravofunken.com. Bravo Funken, F-U-N-K-E-N. Retenez du fun et puis Ken de Barbie. Bravo Funken, ça va faire le job. .com. Sinon, il y a aussi myspace.com/bravofunken et on peut les chercher sur Facebook, bien évidemment.

numéro 9. J'avais le désir de faire plaisir, je l'ai vu grandir, vu ça partir, puis retrécir. Ensuite, je les ai m'associer rapidement, c'est arrivé. J'ai explosé sans m'excuser, sans même être un peu exposé. Pendant qu'on est en train de causer, j'ai plus grand chose à te proposer. Faster, faster! Ah, j'aime ça ce nom-là. Dirk Diggler de Gatineau, c'est en position numéro 9. Ça monte de 6 places. C'était nouveau la semaine passée sur l'album Karaoke King. Et en position numéro 10, Antoine Corriveau avec la pièce Uniforme. Oh oui. Oh, oh oui. Ok, oui. Ça va faire. Il y a comme 12 secondes de moi en train de faire ça. Et en haut, en bas, gauche, à droite. C'est un peu dérangeant. Qu'est-ce que tu as dit, Simon? Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Bon, petit capin, ouais. Bon, ça va faire. On vient d'entendre donc le bloc de position francophone 9 et 10. Tout à l'heure, on continuera avec les 8e positions et plus. Karim Ouellet, Martin Léon, entre autres. Avant ça, par contre, Stéphanie Gagné. C'est mon nom. En remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Absolument. Pour cette semaine et dans deux semaines, mais pas la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine. C'est pas grave, on va s'habituer. Alors, on va entendre un petit peu, une pièce d'anglophone. Une pièce, OK? Et regarde ta liste, OK? Oui. Et choisis-en une. C'est beau comme concept, hein? T'aimes ça? Tu veux que je choisisse n'importe quelle pièce du palmarès? Ben, que t'as déjà entendu de préférence, mais si tu veux l'essayer parce que elle t'attire physiquement. Ah, Atomic Baobab. Ah, ben oui. Parce que c'est ma préférée de cet album-là. Et c'est laquelle? Foxtrot Uniform. Foxtrot Uniform. J'aime beaucoup cette chanson-là. On écoute ça à l'instant. C'est Atomic Baobab, à la vie de croisière d'assemblage requis sur les ondes de C'est fou. Et après ça, Simon Fitzbé s'en vient avec le scout des internets. Pas de Lion. Lion, rawr, tu sais. Rawr, en même temps, ça me fait penser à une autre radio que j'aime pas bien. Rawr, là, I your fucking sex appeal. Atomic Bombad avec la pièce Foxtrot Uniform. Foxtrot, que c'était bon. Non, trop? Non, vraiment pas. Okay. Le scud des internets. Hein. Scud des internets. Scud des internets. Foxtrot, que c'était bon. Moi, j'aime ça. C'est mon Fitzbé qui vient d'arriver en direct en studio. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. T'es arrivé subtilement, je trouve. Oui, ça va très bien. Oui. Oui. On t'a même pas vu venir. Non. On se retourne, t'es là. Oh, oh. Aujourd'hui, petite discussion très subjective, étant donné qu'on a des fois des opinions qui divergent sur le nouveau système d'exploitation, nouvelle version 10.7 de macOS 10. C'est Lion. Le lion. J'ai un lion dans la gorge. Ben, est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on aime pas ça, on va en discuter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, exactement. On va essayer d'inclure Stéphanie. Après le tigre, après le léopard dans neige. Oui, le puma. Le lion. Oui, le lion. C'est particulier, des changements intéressants par contre qu'on trouve au niveau de l'accessibilité. Ben, on s'entend, c'est surtout pour les gens qui passent d'un iPad ou un iPhone à un nouveau Mac pour la première fois. Ils viennent de s'acheter ça et comme là, ils ne se retrouvent pas, mais on leur donne des options pour qu'ils se retrouvent plus. C'est ça, exactement. Des trucs intéressants, bien sûr. Il est disponible depuis hier, donc j'ai pas eu nécessairement eu le temps de faire le tour parce que je travaille ici et ça. Mm-hmm. Les trucs que je trouve intéressants là-dessus, premièrement, moi, les bureaux multiples, là, je détestais le Spaces, qui était une copie de ce qui se faisait sur Linux avec le Cube, mais qui était moins bon parce que tu pouvais pas voir les fonds d'écran. Tu pouvais voir ce qui était dessus, mais en gros, pas très, très beau. Ben, on va expliquer un petit peu juste à la base. Spaces, c'était une grille qui apparaissait. Tu avais le choix de, bon, deux bureaux jusqu'à, je crois, 12 bureaux le maximum. Seulement 12, hein, ouais. Je suis pas sûr, peut-être plus. Je savais pas que tu pouvais limiter parce que dans les autres trucs OS que j'ai essayé sur d'autres plateformes, tu pouvais en avoir à l'infini. Ouais. T'en avais 100. D'accord. Mais bref, quand tu ouvrais Spaces, tu avais toutes tes applications qui apparaissaient dans chaque petit bloc et tu pouvais y aller facilement et changer de l'un à l'autre. Alors que maintenant, c'est une nouvelle fonction dans Mission Control, qui est un nouveau genre panneau qui s'affiche si tu appuies sur l'ancienne touche d'exposer. Mm-hmm. Et puis ça te montre des fenêtres en cours en bas, mais en haut, tes bureaux différents pour pouvoir mettre différentes applications. Et là, t'es limité. Là, t'as vraiment un nombre limité dans celle-là, par contre. Je crois que oui. Ouais. Et ben, c'est ça. Tu peux voir maintenant les fonds d'écran. Par contre, si tes applications sur ce bureau-là sont presque maximisées, ben, tu verras pas le fond d'écran, donc tu vas pouvoir moins facilement différencier dans quelle fenêtre tu es. En même temps, j'essaie de voir si je suis limité là, en direct. Et je crois que c'est 12 là, en tout cas. Excuse-moi. 12 ou 16? Ouais, je te dirais ça. Ouais, 16. Ouais. Mais maintenant, les différents bureaux, qui les appellent maintenant, c'est desktop 1, bureau 1, bon. Donc, maintenant, tu les vois dans une surface horizontale. Donc, tu peux switcher avec ton geste de 4 doigts ensemble, c'est bien ça? Ouais. D'un bureau à l'autre pour voir tes applications qui sont sur différents bureaux. Tu n'as plus de cube. Tu peux plus aller vers le bas et vers la droite. Non, c'est ça, exactement. Le cube apparaît seulement quand tu démarres ton ordinateur. C'est-à-dire, si tu as une fenêtre d'autorisation, il faut que tu rentres un mot de passe. Là, ça va tourner. C'est très, très joli. Moi, je trouve ça très, très intéressant, les plusieurs bureaux. Et je détestais le faire avec Exposé. Il fallait revenir. Disons, tu pouvais choisir un endroit dans ton écran pour pouvoir y aller sur Spaces. Ouais. Maintenant, tu as juste à surfer d'une plateforme à l'autre. Ça va bien. Mais entre autres, quand j'écris les éphémérides du rock, j'ai besoin d'ouvrir une page Internet, une page de Pages en même temps. c'est pas super génial, là. Ça fait tout petit, là, juste à me promener d'un bureau à l'autre. C'est parfait, c'est génial, j'adore. Tu peux avoir des fonds d'écran multiples, différents. Ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis l'époque où je suis sur Linux. Il y avait moyen de le faire, mais ça faisait planter l'ordinateur tellement c'était demandant. Maintenant, pas de problème. Par contre, ce qui est dommage, c'est que pour changer de fond d'écran, il faut que tu aies dans chacun des bureaux. Tu peux pas changer tous les bureaux. Ouais, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et en plus, que changer un fichier ouvert, une fenêtre ouverte d'un bureau à l'autre, j'ai pas encore très très bien saisi la technique. Faut comme la mettre entre les deux, pousser avec trois doigts sur ton document. C'est pas tout à fait au point, ça va probablement être réglé. Un autre truc qui est un peu dommage avec ça aussi, c'est qu'il y a une barre noire entre les deux, complètement inutile. Ça sert absolument à rien. Vraiment pas, parce qu'en plus, en mettant des fonds d'écran différents, tu identifies quel bureau que t'as. Le seul désavantage que j'ai par rapport à ça, et probablement c'est mineur, ça va se régler, c'est que maintenant avec Lion, un truc intéressant, c'est que quand tu fermes ton ordinateur et garde en mémoire les applications que tu avais ouvert, c'est un document texte ouvert, il garde. Sauf que si ton document texte ou quelque chose, disons, une page internet avec beaucoup de publicité en flash qui va faire ralentir ton ordinateur, si c'est ouvert sur ton 16e bureau et que tu es sur ton premier bureau, tu vas pas voir sur ton dashboard. Tu le verras pas, ça va retarder ton ordinateur et tu vas te demander pourquoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Ça mène à un autre point. Souvent, sur macOS, quand tu as plusieurs fenêtres ouvertes, mettons de Safari, disons que tu n'utilises pas les onglets, tu as plusieurs pages ouvertes, c'est que tu fais souvent Command-Q pour quitter l'application. Maintenant, c'est que macOS, par défaut, si tu n'enlèves pas le crochet, retient toutes tes fenêtres ouvertes. Donc, aussitôt que tu vas ouvrir la prochaine fois Safari, il va t'ouvrir 12 fenêtres. Ouais. Là, il va falloir que tu les fermes une par une. T'sais. Des fois, quand tu veux juste quitter une application, il devrait y avoir une autre commande. Je sais pas, ben peut-être qu'il y en a déjà une, Alt-Command-Q, peu importe, qui te fait vraiment quitter avec toutes les applications. Ça serait plaisant aussi, c'est parce que c'est vrai, c'est un peu mélangeant. Par contre, qu'est-ce que j'aime, ce qu'il te demande plus, si tu veux absolument fermer les deux onglets ou peu importe, ça il le demandait tout le temps, c'était vraiment gossant. Est-ce qu'on y va par domaine? Parce que là, on parlait de Spaces, le nouvel exposé qui était la façon de montrer plusieurs fenêtres en même temps a changé. Ouais. On disait que c'est rendu Mission Control. Avant, c'est que tu pouvais, avec le bouton exposé, d'accord? J'essaie d'expliquer pour que tout le monde comprenne. Exposé, ça montrait toutes tes fenêtres de toutes tes applications en côte à côte, mais pas à l'échelle. Non. Donc, ça y mettait toute la même pas mal grandeur pour les faire fitter sur une grille. Ce qui avait changé à chaque version. Il y a des gens qui ont toutes des préférences par rapport aux anciennes versions. Ouais. La nouvelle, c'est qu'ils groupent toutes tes fenêtres, mettons, de Safari ensemble dans une pile. Toutes tes, mettons, text edit ou pages dans une autre pile. Et puis là, sont relatives. Donc, si tes fenêtres étaient petites, ils vont rester plus petites que l'autre. Ce qui est dommage, c'est que quand tu arrives pour aller dans Mission Control, pour choisir une fenêtre qui est empilée en dessous d'une autre, là, il faut que tu commences à jouer ta roulette de souris pour les agrandir un petit peu, puis là, pogner sur le coin de l'autre, puis là, tu vois pas le contenu. Moi, ça m'énerve. Ouais, ça, c'est vraiment dommage. J'ai pas encore trouvé de façon. J'imagine qu'on peut revenir en arrière aussi de ce côté-là si on va jouer. Peut-être un jour, mais pour l'instant, il y a personne qui a trouvé la façon. Peut-être qu'il va y avoir un paquet ou un programme qui va être fait pour ça. Chose qui est intéressante sur Linux, c'est que si t'aimes absolument pas ça, tu l'enlèves, tu peux l'enlever. Tout se défait. Un autre truc, justement, par rapport à ça, parce qu'on arrive un peu de cette façon-là. Exposé est toujours disponible avec une fonction différente. C'est exposé des applications. Par contre, t'as plus exposé de toutes les applications. Non, c'est ça. Ils sont juste Pages, tu vas pouvoir voir l'exposé normal de juste Pages. Ouais, exact. Tout dépendant des dossiers et des bureaux que tu utilises aussi. Ils ont changé la configuration des multitouches. C'est-à-dire, avant, justement, pour voir le bureau, tu faisais juste aller tes quatre doigts par en haut, tu voyais le bureau. Si tu voulais voir exposé, c'était en bas, ça c'est resté. Mais ils ont décidé de tout changer ça. Ouais. Si tu vois le bureau, il faut comme que tu pinces tes quatre doigts ensemble. Tu mets ton pouce et tes trois premiers doigts. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, vraiment pas plaisant. J'ai vraiment pas aimé ça, malgré que le MacBook Air que j'utilise a le plus gros trackpad disponible pour le moment pour un ordinateur de sa grosseur. C'est intéressant, mais c'est pas au point. Pas vraiment du pas. Tout. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de saisir et encore là, je me trompe encore. C'est jamais la bonne chose. Mais je t'en ai déjà parlé, Better Touch Tools. Je sais que les gens n'aiment pas nécessairement ajouter des logiciels pour venir patcher le manque de macOS, mais moi, c'est ce que je fais parce que tant qu'à ça, je veux avoir quelque chose qui marche. C'est ça. Et on peut sélectionner là, vraiment ce qu'on a besoin. Parce que je faire un tour dans les fonctions du trackpad, du pavé tactile. Pavé tactile, exactement. Genre. Et il n'y a pas moyen vraiment de le changer. Il y a deux ou trois que je pense que c'est justement l'exposé ou le. Tu peux surtout les désactiver et les activer. Ouais. Genre, tu veux juste pas l'option du tout, mais pour la changer, c'est plus compliqué. Non, c'est vraiment plus compliqué. Il faut s'y connaître. Même peut-être des fois rentrer des lignes de commande, qui est des choses qu'on fait jamais sur un Mac. Non. Mais bon, on parlait donc d'écartiller des doigts pour montrer le bureau. On peut aussi ramener des doigts ensemble pour montrer le nouveau Launchpad, qui est une façon. Alternative, pour ceux qui connaissent les piles, les stacks dans macOS, qui d'ailleurs sont encore disponibles, j'espère que ça va rester. Les stacks, c'est des petites icônes dans ta barre en bas qui te permettent de voir des très très grosses icônes de tes applications. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, moi aussi. Launchpad est une alternative à ça, amène un peu le iOS de l'iPad Dans l'ordi. Ce qui est intéressant, mais encore là, moi, j'ai pas trouvé vraiment d'utilité à ça pour le moment parce que j'utilise les stacks, justement, et c'est parfait. Rien à changer. Mais... c'est sûr que t'as plus d'applications dans ta fenêtre quand tu l'ouvres, mais sinon... Ben, c'est ça. L'idée de Launchpad, c'est, par exemple, ben, premièrement, Launchpad va voir ton dossier application pour montrer ses icônes. C'est que maintenant, à chaque fois que t'achètes une application sur le Mac Store... On va se retrouver là-dessus. Il se retrouve là-dessus. Moi, ce que je trouvais bien du Launchpad, c'est que pour les gens qui en ont besoin... C'est une bonne façon. Pour ceux qui arrivent iOS, comme on disait, c'est le fun. Mais moi, je voudrais ne pas l'utiliser, Launchpad. J'enlève l'icône, je m'en sers plus. Non, t'as pas le choix d'utiliser. Parce tu peux pas enlever l'icône. Ben, tu peux pas enlever l'icône, j'ai même pas essayé. Tu peux, mais non, mais tout ça pour dire que les applications Mac comme le Mac App Store te forcent à l'utiliser même si tu veux pas dans ça. Ouais. Ça, c'est vrai. Chose intéressante, par contre, avec le Launchpad, si vous appuyez sur Alt. Pendant qu'il est ouvert, ça fait shake. Comme sur un iPhone. Ou que c'est magique. C'est magique. Mais bon, j'imagine qu'il va y avoir des trucs intéressants à faire avec ça. Parce qu'il faut dire que bon, le système d'exploitation est prêt ou pratiquement prêt. Il va y avoir des changements qui vont être faits. Mais ils vont trouver d'autres raisons de s'en occuper puis de nous faire utiliser ça à la longue. Mmh. Ça, c'est vraiment Apple. Certainement. Donc, on a parlé de quoi, là, jusqu'à maintenant? Les multiples bureaux, le Launchpad, Mission Control, on en a parlé. On a fait le tour de presque toute l'interface. Une dernière chose à ajouter sur l'interface, je sais pas si t'as remarqué, étant donné que ton écran est extrêmement petit, mais... je vais ambitionner un peu, mais presque chaque centimètre carré de l'interface de macOS 10 à la vue de l'œil, n'a pas l'air d'avoir changé, mais tout a presque changé. La grosseur des boutons pilules dans le coin, les X et tout ça, a changé d'un pixel ou deux. Un peu plus petit. La grosseur des scroll bars, parce que maintenant, les scroll bars disparaissent, mais tu peux les réactiver, mais ils sont pas du même look qu'avant. Ils ont le look iPhone. Les boutons sont carrés, ils sont plus ronds. Oui, ça, c'est bien, c'est beau. C'est beau. Le bleu n'est pas la même teinte de bleu. Non, exactement. Mais encore là, on peut revenir en allant dans ses préférences de bureau. Dans l'apparence, ça a changé. Fait intéressant, par contre, c'est encore le multitouche de ce côté-là. Le côté de l'apparence, quand même, assez bien. Ouais. Safari. Avec la boîte de pop-up pour les téléchargements que j'adore. Oui, ça, c'est débile. T'as plus la petite fenêtre d'injambes, justement, qui apparaît tout le temps. Ça, c'est vraiment plaisant. Quand tu mets un téléchargement, il va juste virtuellement, parce que là, tout est rendu visuel dans macOS. Ouais. Donc, ton download va se rendre dans sa boîte de download à côté de la barre d'adresse. Et puis après ça, va se télécharger. Ça m'a pris du temps avant de trouver c'était où. Je voyais que t'as comme une genre d'icône qui s'en va vers là, mais où ça? Ça arrive, fait intéressant aussi pour les gens qui, justement, aiment le multitouche, quand même, c'est que, puis ça, c'est vraiment, je pense, une des plus belles choses qu'il y a pour le moment, en tout cas dans Safari, c'est que tu peux revenir en arrière juste avec les deux doigts. Et l'animation de ça est géniale. Oui, l'animation est très, très bien faite. Et pour les gens qui se demandent, parce que c'était une de mes contraintes au début, ce que je me demandais, c'est des fois les pages sont trop longues, c'est-à-dire en largeur pour pouvoir tout voir d'un coup. Et là, je pensais, bon, s'il faut que tu utilises les deux doigts pour changer de page, ça va toujours changer. Mais non, tu peux quand même scroller en bon français, de gauche à droite jusqu'à temps que tu arrives à la fin de ta page. Ou de droite à gauche, je pense, si tu y vas avec le mouvement naturel. Ouais, j'imagine, parce que ça, c'est quelque chose d'assez. On y reviendra plate, fini, ce que tu disais. Mais bon, c'est ça. Si on peut revenir, hier, j'ai fait quelques tests. Je suis allé sur YouTube, j'ai écouté une vidéo, et là, de temps en temps, je faisais juste retourner à la page qui était en dessous, et je ramenais, et le vidéo n'a pas arrêté. C'est pas mis à recharger. C'est parce qu'il te montre la page derrière, comme si c'était une page derrière dans une pile de feuilles, mettons. Tu peux voir ta page en arrière, c'est bien. C'est très bien fait, mais pour dire que la page recharge, par exemple, après. Là, Fois que ça a été rendu. C'est une image de la dernière chose que tu as vue sur ta page. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. C'est très, très plaisant, justement, pour les gens qui ouvrent beaucoup de pages, d'ailleurs, quand je fais les éphémérides. Encore là, je dis ça parce que j'ai fait ça hier soir. j'ai beaucoup de pages à retourner. Des fois, il y en a 10 pour retourner à la page principale. Là, j'ai des affaires, 2, 3, 4, 5, 7. C'est bien fait. C'est vraiment très, très plaisant pour lire aussi des textes sur les journaux en ligne. Ça aussi, ça va être génial. Mm-hmm. Et puis, il y a une nouvelle fonction pour lire des articles plus tard, là. Le nom, par contre, m'échappe de ça. J'essaie de voir. C'est afficher la liste de lecture. C'est une liste de lecture. On trouve un nom très catchy. Ouais. Et disons, justement, tu es en train de lire un article, et bien tu peux faire ajouter la page à la liste de lecture. Tu arrives le soir et tu peux la relire chez vous. On se demande, par contre, grosse question, est-ce que ça va être disponible avec iCloud? C'est-à-dire, si tu lis quoi sur ton iPad ou au travail, si tu peux l'envoyer après ça sur ton ordinateur à la maison. Je le souhaite. Moi, je travaille sur un Mac, en plus, au travail. J'ai pas nécessairement le droit d'aller lire des articles ou des trucs comme ça. Mais je peux le remettre pour plus tard. populaire. Même pour les scientifiques, c'est bien intéressant parce que lorsqu'on se fait une bibliographie, on va chercher des articles scientifiques sur Internet. On peut toujours les mettre là-dedans pour aller les regarder après parce que, bon, faire une bibliographie, c'est quand même assez long et assez demandant. On n'a pas le temps de tout lire avant de le faire. Là, on essaie d'englober tous les sujets de macOSIS Lyon et c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Et on l'a pas essayé depuis longtemps aussi. Faut non, ben, moi, j'ai la Golden Master version piratée depuis une semaine ou deux. Sur un autre disque dur et je l'ai essayé. C'est la même, la Golden Master qui est la version finale est la même que celle qui a été distribuée. C'est un disque d'or. C'est ça. Et hier, j'ai téléchargé la vraie et installé sur mon ordi. Mais on va donc avoir le temps de parler d'autres options tantôt. Pour la, toi, faut que tu parles vite, toi. Je pense à ça. Là. On peut attendre un petit peu encore. Un petit peu. Ouais, je peux. Un autre petit 10 minutes. Okay. On va y aller tout de suite. On parlait donc dans Safari de scroll. Il faut aborder le sujet du scroll naturel de macOSIS Lyon. Vraiment pas dommage. Vraiment pas le fun. Non. Ben, tout le monde le désactive à date, là, parce que j'avoue que c'est vraiment, vraiment gossant. Ta mémoire, ta façon de faire depuis tout le temps est toujours de scroller par en bas, en guillemets, la roulette de ta souris ou tes doigts vers le bas pour aller en bas. Ça fait plusieurs années, même les gens qui utilisaient des ordinateurs PC avant, avec la roulette de souris, c'est pareil. Quand tu descends, ta page descend. Mais maintenant, on est rendu un petit peu comme un iPhone par défaut, évidemment. C'est que tes doigts, quand tu mets tes doigts par en haut, tu vois ce qu'il y a en dessous. C'est un petit peu comme si tu tenais une feuille de papier, là, puis tu la ramenais par en haut. Mais qu'il y a comme désavantage, c'est que par défaut, c'est comme ça. Et ta roulette de souris fait la même chose pour être un petit peu constant dans son affaire. Donc, si tu scrolles ta souris par en bas, tu vas dans le fond par en haut. Ce qui est, selon Apple, et je comprends très bien l'astuce de la chose, c'est que c'est plus naturel, c'est plus logique comme ça. Parce qu'on s'entend que si tu scrolles tes doigts par en bas, puis ça va, dans le fond, ta page, tu vas voir le bas, mais c'est dans le fond, ça monte. Ouais. Ça monte le contenu. Donc, j'avoue que c'était à l'envers avant. Mais vu qu'on est habitué comme ça, les gens vont rester comme ça pour l'instant. Oh, ça prend un bout avec le monde télé. Ben, en même temps, on s'adapte à ce qu'on a et on s'est adapté pendant tellement longtemps justement à descendre et monter de cette façon-là. Moi, j'aimerais mieux le garder comme ça et j'espère pouvoir le garder comme ça pendant longtemps. Ben, j'aimerais pouvoir au moins avoir l'option de ma souris, la laisser comme ça. Mais le trackpad, ça, moi, je trouve ça file bien. Quand tu t'habitues, ça va quand même bien de d'aller dans... Les gestes sont hyper fluides en plus. Parce que avec le Snow Leopard, c'était déjà très fluide, mais bon, c'était moins visuel, justement. Et là, maintenant, avec l'aspect visuel, c'est génial. Ouais. Prochain sujet, est-ce que tu as une préférence vers où on s'en va? Parce qu'on parle de tellement de choses en macOSIS Lyon. Je vous rappelle le système d'exploitation de Apple qui vient de sortir hier. On pourrait parler de la suite iWorks que j'ai eu la chance d'essayer. Et j'ai eu peur, par contre, hier. Parce que lorsque j'ai fait mon update en bon français, lorsque j'ai passé à Lyon... Il n'y avait pas de changement dans Page. Je travaille avec Page à tous les jours et il n'y a aucun changement de fait. Tu n'avais pas encore le plein écran. Je suis allé voir sur un Mac App Store et avant, ça me disait que c'était déjà installé et acheté sur mon ordinateur. Là, ça me disait qu'il fallait que je paye 20$ pour avoir. Mais tu as une version légale pourtant. Oui, j'ai une version légale que j'ai commandée avec mon ordinateur. Mais par contre, dans l'après-midi, petite fenêtre qui apparaît. Faut qu'on fasse des mises à jour dans Page, Keynote, dans tout, dans le fond, la suite iWorks, en plus d'iPhoto, GarageBand, iTunes. Et dans le fond, justement, c'était la mise à jour voulue pour les versions, les fameuses versions que j'adore, ça, je dois dire, là, pour un étudiant qui oublie souvent de sauvegarder, qui a perdu plusieurs travails en oubliant de sauvegarder, en n'ayant pas de sauvegarde automatique. Ça, c'est vraiment génial. Aussitôt que tu changes une lettre à ton texte, il y a une version de sauvegarder, tu peux retourner en arrière. Et ce qui est bien, c'est que c'est sauvegardé dans le fichier, donc tu vas pas te faire un paquet de fichiers multiples. Non, c'est ça. Parce qu'avec Page, j'avais une option de copie de sauvegarde qui se faisait à peu près après 5 minutes d'inactivité. Là, vraiment, c'est à la seconde près. Dans le fichier, par contre, ce que j'ai pas, ça prend beaucoup de place sur un ordinateur parce que je suis allé voir, d'ailleurs... on va pouvoir y revenir, mais la capacité du disque dur n'est plus inscrite lorsque tu ouvres un dossier. Non, tu peux la remettre dans le menu présentation. Ah, génial. Ils ont juste enlevé la barre d'état en bas des fenêtres. Tu montreras comment tantôt. Ouais. Mais c'est ça, mais j'ai vu qu'il y avait un espace qui était fait justement pour les fichiers en version, si on veut, et pour le moment, il était à zéro, mais bon, ça peut monter. Pour le moment, en même temps, j'ai juste à peu près des fichiers texte, j'en ai pour 500 megs, donc rien là, mais est-ce que ça va tripler à chaque fois? T'sais? Si, comme tu dis, chaque changement, mettons, d'une lettre ou d'un mot ou d'un paragraphe, c'est tellement du petit poids que même à force d'en ajouter, tu te rendras sur ma même compte. Non, c'est ça, je pense pas nécessairement. Mais donc, Versions, c'est une nouvelle façon de sauvegarder, comme tu disais. Ça nous amène dans une interface à la Time Machine, donc avec beaucoup trop d'animations, beaucoup trop d'affaires qui se passent en arrière, des petites étoiles qui bougent. Et puis là, tu peux voir d'un côté ta version courante et à droite les versions précédentes. Donc, tu peux copier-coller entre l'une et l'autre. Mais je crois que ça marche pas si t'as pas nommé ton travail. Faut que tu sauvegardes une première fois. Oui. T'as pas le choix. Là, j'en ai un ouvert sans titre avec des trucs écrits dedans et ça me donne pas le choix de pouvoir retourner en arrière. Une fois que c'est sauvegardé, par contre, tu peux y retourner. Bien sûr, si t'avais commencé à travailler sur un texte en Leopard, tu pourras pas revenir sur des versions. Je veux dire, si comme moi, j'avais ouvert un traitement de texte deux jours avant d'installer Lion, je peux pas revenir dans les versions antérieures. Ouais. Donc, ça va empêcher aux gens de faire un réflexe du CTRL-S. Par contre, si tu fais un CTRL-S, la fonction fonctionne encore. Ouais. Ça te sauve une nouvelle version au moment où tu es en train de le faire. Exactement. Et aussi, tu peux rajouter des données multimédia maintenant dans ton texte, c'est-à-dire tu peux rajouter vidéo, musique, tu peux intégrer ça à ton document, chose qui n'était pas présente en fait dans la barre d'état de Pages avant, et maintenant qui est très très apparent. Donc on peut mettre des photos, des vidéos, non pas des vidéos, en fait, on peut avoir par contre des calendriers, des choses comme ça. Bon, c'est joli. Mais parlant de version, une petite mise à jour à Time Machine, maintenant aussi les mises à jour de Time Machine vont se faire hors ligne. Donc, pendant que tu n'es pas branché à ton Time Machine, il va quand même sauvegarder les trucs différents dans tes versions, par exemple. Et puis ensuite, quand tu vas te synchroniser à ton Time Machine, il va les fourrer dessus. C'est ah, mais c'est bien ça. Ouais. Suivant, après ça? iCal. Oui, faut parler l'interface de iCal qui est, dans le fond, Apple a décidé que l'interface de iCal ou du calendrier de Mac était maintenant un calendrier avec des pages que tu déchires faites en cuir comme dans le temps. Ouais. Donc, il essaie de faire l'analogie du monde réel dans l'ordinateur. Sauf que quand tu changes de mois et que la page virevolte comme une vraie page, mais tu peux pas la pogner par le coin, par exemple. Et tu sais, ils ont pas été jusqu'au bout de leur interface. Là, non, c'est ça. Et ça aurait été intéressant justement d'avoir ça un peu comme iBooks qui fait ça aussi. On l'a pas. Non. Peut-être dans une version future. C'est quand même joli. Et maintenant, tu as l'option aussi d'avoir ton calendrier à l'année qui n'était pas là avant. Ça, c'est vraiment plaisant aussi. Je vois que mon calendrier est quand même assez rempli. Mais bonjour, semaine. La version jour aussi a été améliorée parce qu'on a vraiment ce qu'on a dans les prochains jours également. Et on peut aussi changer. Donc, améliorer, barre oblique, je trouve d'améliorer parce que je trouve que c'est pas lisible du gris pâle sur du blanc, moi, personnellement. Oui, ça, c'est vrai. Du côté du carnet d'adresse, ils ont aussi la nouvelle analogie d'avoir l'air d'un livre. Par contre, il y a plein d'affaires dans le livre que tu peux pas toucher. Il y a un signet, tu peux pas y toucher. Ouais. Ou genre, tu vois pas l'affaire que tu devrais voir. Ça sert pas à grand chose, en fait, pour le moment. Uh-huh. Mais il va y avoir des améliorations, j'imagine, qui vont être faites. Aussi, un courriel, mail, l'application mail qui est. Tu t'en sers de même? Oui. Je m'en sers pas. Moi, je reçois mes courriels directement. J'ai passé tous mes courriels que je recevais avant sur Hotmail dans Mail. OK. Point très, très négatif que j'avais par rapport à ça auparavant, ce qui était plaisant, c'est de les avoir directement sur ton bureau quand tu ouvres ton ordinateur. Ce qui était déplaisant, il fallait tout le temps rentrer son code à peu près à toutes les 10-15 minutes. Il y avait du mal à se synchroniser avec le serveur POP. Maintenant, il n'y a pas de problème du tout. Ça se fait, faut simplement entrer le courriel au début de la session. Une fois que c'est fait, habituellement, il garde en mémoire, donc c'est bien. Maintenant, on a les courriels qui sont sur le côté. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'essayer la fameuse version où c'est que tous les courriels qui ont rapport ensemble se suivent tous. À la Gmail. Ça, c'est intéressant aussi. Ça permet de suivre les conversations. Parce que moi, j'ai déjà regardé les courriels très, très, très rapidement, à moins que ça me concerne vraiment. mais si c'est des courriels envoyés à plusieurs personnes en même temps, c'est disons comme Facebook ou des affaires à la main, plus genre à regarder ça bien vite puis revenir plus tard. Mais là, justement, je peux suivre toute la conversation et si les gens chicanent en ligne, ben c'est le fun, c'est sauvegardé. ça aussi, c'est plaisant. Nouvelle interface, peut-être un peu moins, je la trouve moins belle que l'autre par contre, et moins accessible. Et tu peux plus voir aussi quand tu envoies un message. Avant, tu avais la barre d'état qui disait bon. Donc, t'envoies beaucoup de musique sur ton... Le chargement de l'envoi. Le chargement se faisait. Là, tu l'as plus. Il faut que tu te fies absolument au son. Parce que des fois aussi, les courriels n'arrivaient pas à être envoyés. Tout dépendant où c'est que t'es. Si tu utilises le réseau d'université, ça peut être plus compliqué. Ils ne se connaissent pas au réseau. Quand il marche, là, évidemment. Ouais, quand il marche, ouais. Ah, c'est un autre truc. Mm-hmm. Airport est devenu Wi-Fi. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus de nom Airport maintenant. Ouais. C'est la marque de commerce. Ça n'existe plus là-dedans. C'est Wi-Fi. Il faut qu'il change le Airport Extreme. Le Airport Extreme que je voulais m'acheter d'ailleurs dans les prochains jours. On m'a dit, je vais peut-être attendre. Peut-être que le nom va rester pour les appareils, juste pas pour la fonction. Ouais, parce que les gens avaient de la misère à la trouver. T'sais, ils cherchaient où est mon Wi-Fi, puis c'était pas écrit Wi-Fi, c'est marqué Airport, les gens comprenaient pas. Les gens étaient complètement non, pas là. Okay, qu'est-ce qui reste rapidement à mentionner? Le nouvel écran d'accueil de Mac OS X que j'aime beaucoup. Oui, qui est quand même joli, avec le petit rond. Les échanges aussi qu'on peut faire, j'ai pas encore essayé parce que t'es la seule personne que je connais que Lion AirDrop, où tu peux mettre des fichiers dans la face de l'autre personne, en fait. Aussi que deux personnes qui ont Lion, tu l'envoies sur sa face et ça y envoie le fichier. Oui, exactement. Ouais. Ça, c'est plaisant et tu peux quand même avoir donc des autorisations à rentrer aussi qui étaient plaisantes. On avait ça aussi avec le fichier public, le fichier de partage qu'il y avait sur Snow Leopard qui était intéressant. Sinon, en gros, Il y a tellement d'autres choses, mais que moi, personnellement, je n'ai pas eu le temps encore d'essayer. Ça va aller en fin de semaine et je vais être hors ligne en fin de semaine. Donc, ça va être un peu plus compliqué de voir, mais... j'ai hâte. FaceTime est installé maintenant par défaut. Et le Mac App Store, évidemment. Le Mac App Store aussi, bien sûr. Et FaceTime, ce qui est intéressant, c'est qu'il vendait 2$ sur le Mac App Store. Mm-hmm. Et maintenant, c'est tout simplement gratuit. J'aurais jamais payé 2$ pour ça. Parce que, non, mais je sais qu'il y a une question de droit là-dessus. C'est un peu comme la raison pour laquelle l'iPod Touch, quand il y avait une mise à jour dans le temps, il fallait payer pour. C'est une raison de droit. Avec, je ne me rappelle plus quel groupe qui vient coordonner ces affaires-là. Okay. Mais si tu fais une mise à jour substantielle de quelque chose et que le frais n'a pas été inclus dans le prix, comme mettons iPhone, tu payes ce prix-là inclus dedans, mais l'iPod Touch, pour le vendre moins cher, il ne mettait pas. Donc, c'est une raison de droit. Là. Comme le Mac, tu l'as déjà acheté au complet, mais tu n'as pas payé pour cette mise à jour-là substantielle. Ouais. Une niaiserie de Mac. Eh bien. Ouais. FaceTime, de toute façon, je ne l'utilise pas parce que ce qui est dommage avec les MacBook Air, c'est que la caméra n'est pas très belle. Non, c'est ça. Ça fait pas une très bonne définition. Sinon, on espère que les applications aussi qui ont été faites avant vont être mises à jour parce que, disons, moi, je vais sur Twitter, sur une application Twitter qui est vendue dans l'App Store. Il n'y a pas eu encore les modifications parce qu'avant, tu avais le multitâche. Avec trois doigts, tu peux aller voir le profil de la personne, le lien qu'elle avait mis. Maintenant, il n'y a plus ça. Là, faut aller manuel. Ouais, mais ça ne prendra pas de temps. Mais c'est ça. On a eu quand même des bonnes... à moins que tu allais sur MacRumors, mettons, pour savoir quand est-ce que ça allait sortir, mais en même temps, ils se sont trompés tellement de fois que tu pouvais... Mais c'est qu'il n'y avait pas de date officielle de données. Fait que tout le monde, c'était juste des rumeurs en l'air. Il y a personne qui avait la vraie... Oui, mais la veille, par contre, mon SoundCloud, l'application SoundCloud m'a dit « Oh, t'as une mise à jour préparée pour Lion. » Fait « Oh! » Là, je suis allé voir sur MacRumor, il dit « Ah, là, il devrait sortir demain. » Je suis pas sûr, mais... Mais c'est bizarre comme tactique de la part d'Apple. Ils ont révélé la date de sortie la veille lors de leur appel téléphonique pour les trucs les les développeurs. Ouais, c'est ça, le cash qu'ils ont fait pendant l'année. Ouais, finalement. C'est ça. Et ça a passé vraiment dans le beurre. Ils ont dit « Ah oui, Lion, les nouveaux MacBook Air sortent demain. » Bon, maintenant, on a fait tant d'argent. Pour... Et donc ça, c'était intéressant quand même de voir ça, comment c'était fait. C'était pas disponible sur... c'était sur le Mac App Store. Disons, moi, hier matin, quand je me suis levé à 8h, je suis allé voir. Il n'y avait pas de grande fenêtre. Mm. Lion est maintenant disponible, mais je l'ai écrit en haut, il était là. Ah c'est... oui, pour vrai? Ouais, donc il venait probablement d'être mis à jour, mis sur le Mac App Store et peut-être qu'on voulait pas nécessairement engorger trop les serveurs aussi parce que c'est 4G à télécharger. Moi, j'ai commencé à le télécharger vers les 9h15, 9h30 et puis ça m'a pris 3 téléchargements presque complets. Donc j'ai téléchargé presque au complet les 3 gigs, j'ai eu un message d'erreur. J'ai refait une deuxième fois, message d'erreur à moitié, puis après ça, il a téléchargé au complet. Une fois que tu l'as téléchargé, ce qui est comme 3 gigs et demi, ça a pris peut-être, je te dirais, presque une heure parce qu'il faut qu'il installe une nouvelle partition cachée à l'intérieur de ton disque dur pour après ça pouvoir reformater sans avoir à télécharger le fichier. Ça, exactement. Oui, ça. Moi, ça m'a pris environ une quarantaine de minutes. Ça a quand même bien été, mais je t'as fait une mise à jour, toi? J l'ai téléchargé à partir de... Moi, j'ai formaté pour réinstaller. OK. En gravant un DVD. Est-ce qu'il y a une différence? Ça repart à neuf. Moi, j'aime mieux partir à neuf dans la vie. J'aurais aimé mieux partir à neuf également, mais j'ai trop de trucs dans mon ordinateur de placer. J'ai plein de trucs. J'ai même plus les codes disons, mon Dropbox. Là. J'ai plus les codes. J'avais peur de tout avoir perdu. Finalement, il est toujours disponible. Il est à jour aussi pour le Mac App Store. Non, pas le Mac App Store, mais pour Lion. J'aurais pas pu de toute façon réinstaller. J'ai pas de lecteur CD. C'est vrai. Ah, savais-tu que macOS 10 Lyon va être disponible sur clé USB à partir du mois d'août? Ah oui. Ah bon, mais c'est bien. Peut-être que je pourrais l'installer sur l'ordinateur ma blonde éventuellement. On parle-tu du nouveau MacBook Air en fin de semaine? Oui, on se dépêche. Ben vite, très laid. Non, clavier éclairé, tu te trouves des raisons pour ne pas être jaloux parce que t'as un MacBook Air d'ancienne génération puis qui vient de sortir il y a 6 mois. Non, je suis jaloux parce que j'ai vu le Geekbench et c'est surprenant. Il est deux fois plus rapide. Deux fois plus rapide, aussi rapide que ton MacBook. Ouais, de 2010. Dans le fond, il est aussi rapide qu'un MacBook Pro payé genre le prix là, en 2010. Ouais, et ça coûte 1000$. Non, ça, c'est pas le plus petit modèle qui est le plus rapide, j'imagine. Le plus petit modèle est aussi rapide que le MacBook Pro. Ouais, le plus petit modèle du MacBook Air qui vaut 1000$, OK, vient remplacer le MacBook blanc qui était vraiment arriéré dans sa réputation. Ouais, vraiment laid. Stéphanie capote. Moi, je suis content parce qu'il y a un an, lorsque le MacBook Air est sorti, j'avais dit « Ah, ça va remplacer le MacBook blanc ». Tout le monde me traitait de fou parce ben que non. Jamais ils vont enlever le MacBook blanc, leur marque de commerce. Naïf, pourquoi ils ont de lecteurs CD, ces ordi? Pourquoi? Voilà. Oui, leur marque de commerce, ça fait combien d'années qu'il y a un MacBook blanc? 10 ans, genre? Il était temps que ça change. Mais là. Si tu remontes au PowerBook qu'il y a eu avec, c'est-à-dire la mode des iMac, là, où tout était de couleur, mais il y en avait, il était blanc en partie. Ouais. Orange, et ressemblait à un truc de maquillage. voyage. Ouais, c'était pas très, très beau. Mais bon, finalement, enfin, ils ont décidé de les enlever. De toute façon, il n'y a plus d'upgrade depuis 2009, je crois, sur le MacBook blanc, très très laid de toute façon. Et scratché à rien. Ouais, celui-là est beaucoup plus portable et il mais va pas avoir de. Mais il y a plein de désavantages aussi, non? Ouais, mais 13 pouces, c'est la même définition. Ouais, mais ça, c'est le 13 pouces, il est pas à 1000$. Ouais, il est un petit 11 peu pouces, le 1000$. Ce que j'ai trouvé vraiment dommage, par contre, ils ont remplacé le processeur par des Sandy Bridge i5 ou i7. Tu peux avoir maintenant le même processeur qu'un 13 pouces dans un 11 pouces que tu peux pas faire avec la version que j'ai. C'est la performance. Mais les disques durs flash sont pas plus gros. Non. C'est-à-dire tu commences encore modèle base avec 64 GB, max je serais attendu à 128, ouais. Mais tu peux quand même avoir 256 Go qui était disponible seulement avec le 13 pouces méga extrait. Tu peux l'avoir maintenant dans le 11 pouces. Okay. Ça c'est génial, mais le clavier rétroéclairé, c'est la chose la pire chose, la chose la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie et c'est pourquoi je l'achèterai jamais. La raison que t'aimes pas les touches sont trop grosses. Sont plus grosses à cause de la lumière qui est en dessous, et on s'entend qu'ils n'ont pas grand espace pour mettre leur petit tapis de lumière. Mais c'est pas le fait qu'il y a de la lumière dedans, parce que ça, tu peux l'éteindre, tu sais. Non, ça, je sais. Et je trouve ça très laid, la lumière, ça sort sur les côtés. C'est vraiment c'est vrai, pas beau. Je traite pas moi non plus ça. Ça fait trop PC, je trouve. Ouais. Parce qu'un PC custom, ça a ça dedans, et ça fait des années que ça. Des LED partout. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment pas beau. Mais les touches au dessus de transparence, que je trouve moins beau. Ouais. Aussi, j'espère que t'as l'option de pouvoir avoir un clavier normal. Et je comprends pas le monde. Le monde se plaignait, tu sais. Il disait, on n'a pas le clavier rétroéclairé sur la version 2010. Mais ton écran en fait de la lumière et l'écran est très très très puissant. Est-ce que tu as la lumière complètement éteinte dans ta chambre quand tu vas sur ton puis toujours ça, dans le noir? Moi je vois absolument pas mon clavier. Ah non, moi ben écoute, ça fait 20 ans que j'utilise les ordinateurs, ça fait 20 ans que je tape sur les ordinateurs pratiquement tous les jours et je connais où sont mes touches aussi là. Ben, c'est je suis d'accord. Oui, ça je suis d'accord avec toi, on partira au débat. Mais moi c'est que dans mon lit avec un je comprends l'erreur, je comprends l'affaire, pourquoi toi ça va bien? Parce que tu as un MacBook Air puis le devant il est plus bas. Et plus bas et plus doux. Ouais. Alors que sur un MacBook Pro, aussitôt que tu mets tes poignets, ça fait mal. Non, ça, fait ouais. Que, fait que tu peux pas placer tes doigts comme tu les placerais. Fait que quand tu tapes avec les mains dans les airs, avec les doigts par en bas. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on a de la misère. Faut dire, les touches sont un petit peu, à peine quelques millimètres, mais quand même, ça fait la différence. Sont un peu plus rentrées dans l'ordinateur aussi, ce qui rend plus plaisant d'écrire et plus facile de passer d'une lettre à l'autre, ce qu'un clavier rétroéclairé, généralement, n'a pas. Mais bon, ça, c'est mon gros défaut. On pourrait continuer pour une deuxième demi-heure complète et 7 secondes, mais on ne le fera pas parce qu'il y a tellement d'autres options. Il va falloir que vous ayez sur les blogs pour les trouver. Il y en a des tonnes. Et juste premièrement, OK, rapidement, 30$, c'est rien. Pour ceux qui disent que ça coûte cher. Hey, vous allez vous payer un café à 5$ chez Starbucks, puis 30$ pour un OS, c'est trop pour vous autres, là? Non, sérieusement, 30$, c'est rien. Pour quelque chose d'aussi ben, je dirais pas mieux dans la plupart des cas. Mais c'est quand même des améliorations évoluées. Importantes. Et Windows, si t'achètes Windows 7, c'est encore 150$. Juste la version d'upgrade, c'est 150$. Ouais, c'est ça. Et avant, Leopard, Snow Leopard et même Tiger coûtaient 130 facilement, en CD. Oui. Mais là, ils se sont débarrassés complètement de ce qui était papier pour le manuel. Ils n'ont plus de CD à produire, plus de DVD. Les camions. Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix de baisser le prix et ils l'ont fait. Félicitations. Et de toute façon, ils savaient que les gens allaient passer à l'iPhone facilement. Puis de toute façon, Snow Leopard était 30$ la dernière fois avec zéro nouvelle fonction. Tu sais, on se rappelle que Steve Jobs avait dit célèbrement zéro nouvelle fonction. C'était que des corrections de bugs et de l'amélioration de la rapidité. Et là, c'est pour 250 et plus fonctions ajoutées, 30$, c'est rien. Bon. Non. Voilà, merci Simon d'avoir parlé subjectivement de macOS 10 Lyon avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Constructif, je trouve. Oui. J'espère que ça va éduquer des gens à peut-être aller se procurer Lyon, au moins l'essayer. C'était pas du fait qu'il a exposé et puis comme il était. Ouais. Maudit fond gris. Est-ce fatigué ce fond gris là? C'est pas très beau. Bon, donc on va retourner. Ben, on va évidemment te reparler plus tard. Toi, tu t'en vas. Ouais. Et puis tu reviens ce soir pour ton émission. Effectivement. À 23h. 21h. Ben, ça, j'ai dit. De 21 à 23. 21h à 23h, juste après Skypunka. Ouais. Voilà. C'est quelle émission ce soir? C'est un genre de bleu. Ah ouais. Ouais. C'est sûr? Oui. D'accord. Et demain, vendredi rock matin. Classique. Précédé d'album classique. Album classique, effectivement. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Non, on va te jouer ma tune. Oui, ta pièce, c'est quoi déjà? La pièce, ça nomme. Et j'oublie toujours le nom, donc si tu pourrais. Je vais te le dire alors. Kill the Fire, Here They Come, Mojo. Oui, voilà. Par Eleanor Alisha. Eleanor Alisha Gray, qui a gagné le prix Mojo New Voice, concours sponsorisé par Glenfiddich. C'est un très bon scotch. Ah! Oui. Et donc, elle a une très, très belle voix. Et j'ai promis que je ferais jouer sa pièce sur les Twitter. Justement, ça a rapport avec les internets parce qu'on communique par ça. C'est à elle que tu as parlé pour qu'elle. Mm-hmm. Ouais. Wow! Et je vais présenter, elle fait partie d'un groupe également. Je vais le présenter ce soir dans mon émission. Parfait! Soyez-y. On écoute donc Eleanor Alicia avec Kill the Fire, Here They Come dans la vie de croisière d'assemblage requis. Puis après ça, ben Stéphanie va être de retour. Elle a pas dit un mot depuis une demi-heure. Vous êtes toujours à la vie de croisière d'assemblage requis avec Stéphanie Gagnant en remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Et avec Mathieu Plante. Ça fait une demi-heure qu'on parle d'ordinateur et de choses très, très geeks. On va retourner en musique un petit peu, hein, pourquoi pas. On va entendre le prochain bloc Martin Léon tout à l'heure, mais on débute avec... Karim Ouellette avec la pièce Le Monstre qui monte de 4 positions. Sur C'est fou, 89.1 FM.

c'est pas chic chic, mais chaque chien paye de chaque achat. Hey, the chicken, petite chose, is that chop? Fact check, c'est pas chic chic, mais chaque chien paye de chaque achat. Et cette très belle poésie que voici. Deuxième étape, arrivée de l'autre bord, y'a une jolie fille qui chante. Prends deux secondes, écoute ça, c'est l'air de détente. Apprécie sa beauté, fais-en pas ton amante. Dans sa voix, y'a une clé, dans son amène de l'ail. Tu prends juste la clé, puis tu fly. T'es au deuxième salon, salon de l'invisible. Tu viens de faire mille coupons, puis tu marches vers la cible. Touche à rien, improvise, sors un poème ou deux. C'est devenu ça la devise, y'a rien que tu peux faire de mieux. Je m'occupe du reste. C'est pas chic chic, mais chaque chien paye de chaque achat. Hey, the chicken, petite chose, is that chop? Fact check, c'est pas chic chic, mais chaque chien paye de chaque achat. Et cette très belle poésie que voici. Dernière étape, showtime. Tu te retrouves nulle part, mais détendu, souliers chaînés, bouquet, tout ça. Là, tu vas entendre la musique. Suis-la. Va d'où elle vient. Sur la route, il y a quelqu'un qui va te lire une recette de tarte aux pacanes. Écoute-la, ça vaut la peine. Quand t'arrives devant une grande porte de métal, sors la cache, paye l'entrée, t'es rendu. Te v'là en enfer. Si c'est sold out, tu bouges pas, t'attends. Des fois, ça peut être long. Le crapaud à l'entrée, tu y offres tes dents et ta dernière poésie. Il faut qu'il t'en reste quelques-unes rendues là si t'es tout seul. Pense-y en cours de route quand tu te casses la gueule. Je m'occupe du reste. Par Martin Léon. Que voici. Et justement, Karim Ouellet avec le monstre de son album La Plume. On dirait qu'on se rappelle pas qu'il va chanter à la fin de cette chanson-là. Ben, moi, je l'avais jamais entendu avant, fait que... Ah, c'est vrai, t'es en remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret, Stéphanie Gagné. Oui, donc je plaide non coupable. Ben, parfait. Non criminellement responsable. Merci. Parfait. On continue tout de suite avec un autre bloc de deux pièces. Question d'avoir tout plein de temps pour aborder tout plein de sujets ensemble. Il te reste la chronique Ton plat favori à faire. Oui, on va faire ça tout à l'heure. Il me reste une deuxième chronique, c'est un fait. Et puis, espérons-le, une chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Puis, on a aussi une invitée spéciale. Oh, Justine, qui va être avec nous tantôt. Mais pour l'instant, prochain bloc, il va y avoir Galaxy avec Camouflard en cinquième. Et on commence avec les Breastfeeders et la pièce La Fille dans la vitrine. En sixième position, ça monte de 13. Hey, c'est la deuxième pièce des Breastfeeders qu'on entend aujourd'hui. Yes, monsieur. Nicole. fille dans la vitrine. Numéro 5. Galaxy et Camouflard en position numéro 5. Ça monte de 15 places. C'était nouveau la semaine passée. Et en position numéro 6, c'était la fée dans la vitrine de la formation des les Breastfeeders. Mm-hmm. On accueille Justine Renaud avec nous en studio. Bonjour. Allô, allô. Une belle intro, elle. Ça te représente tellement bien. Je te vois pas du tout à travers le micro. Bonjour. Bonjour. T'es pas ici pour nous parler de quelque chose en particulier aujourd'hui, toi? Hein? Ben, écoute, il va falloir vous me donner un sujet. Je peux faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Oh, oh, quand même. Donnez-moi des citrons, on va faire de la limonade. Oh. On n'a pas ça? Non. C'est rempli de bactéries, ça. Hmm. On va te parler tantôt, sûrement, dans la chronique à Steph, peut-être? Non? C'est quoi votre plan? Je sais pas, je vous suis, là. Ah, moi, je suis ici pour bonifier mon CV. Oh my God! C'est des farces. J'espère! Parce qu'on te recommandera pas du tout, ça. On prend une petite pause et on revient avec la chronique C'est un fait, entre autres, tantôt. Plus de palmarès, évidemment, puis plus de niaiseries. Justine va être là. Puis mon plat favori! Mon plat favori. Vous êtes assez fous pour l'écouter. We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that we are looking at working with the recovery forces to see what can be done at this point. C'est toujours à la vie de croisière d'Assemblage Requis sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Moi, c'est Mathieu Plante et c'est Stéphanie Gagné en remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Oui, hein? Ancienne co-animatrice qui revient à... Dans trois semaines. Ouais. Pour finir la session, finalement, après ça, elle va s'en retourner. Mais pour l'instant, c'est Lala, c'est la chronique « Ton plat favori ». J'oubliais de dire qu'en plus de moi, Mathieu Plante, et de toi, Stéphanie Gagné, il y a aussi Justine Renaud en studio, faut pas l'oublier. Bonjour! Ça va? Oui! Oui! OK, là, je sais pas du tout où vous en allez toutes les deux. Même elle sait pas où je m'en vais parce que ça n'a aucun rapport avec elle, mon favori. Et juste là pour accompagner, c'est comme mon les petits carottes. Favoureux. Ouais, ben, faut expliquer là que ton plat favori est savoureux, donc c'est un plat favoureux. Ou encore un plat voureux. Donc... Elle l'a trouvé drôle, Justine, je parle un petit peu. C'est un rire jaune. Hein. Ouais. Donc, il y a une chanson que j'écoute depuis quelques temps, vraiment sur repeat. Quand je me couche, quand j'arrive dans mon auto, c'est la première chanson que j'écoute. J'adore vraiment cette pièce-là et je l'ai découvert sur YouTube. C'est un papa et sa petite-fille, un père monoparental qui s'appelle George Narvaez et sa petite-fille Alexa. Puis ils chantent, puis se sont filmés en train de chanter une pièce de Edward Sharp and the Magnetic Zeros. La pièce s'intitule Home. Et ils chantent ça, puis ça a vraiment fait fureur sur YouTube, plein de commentaires. Puis ils ont fait aussi d'autres chansons que le père fait seul. Et ils ont même passé à la télé, à l'émission de Ellen DeGeneres. Puis, c'est la même que découvert Justin Bieber. Fait que... Et Justin Renaud. Justin Renaud. Exactement. C'est ça. Fait que j'ai découvert cette chanson-là. Après ça, j'ai entendu la version originale de Edward Sharp. Je l'ai pas aimé tout de suite, mais finalement, j'arrête plus de l'écouter. Je l'aime vraiment beaucoup. Edward Sharp and the Magnetic Zeros, groupe fondé en 2005, groupe américain de Los Angeles, avec je sais pas combien de membres, c'est épouvantable. Quand on voit des clips, là, on voit qu'ils ont comme 10 personnes au moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, j'étais dedans, là. 10 personnes, et il y a du personnel additional avec ça. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est épouvantable. Il y a du monde partout. Ça doit être vraiment intense de voir un spectacle d'eux autres. Donc, ça fait une plus grosse foule dans la salle, en tout cas. Ouais, c'est ça. Ça fait du monde à la messe. Alors, c'est ça. Fait que je voulais qu'on commence par écouter un petit extrait de la version de George et Alexa Narvaez. Et après ça, on va entendre l'original. Chocolate cake. Christ, ain't nothing pleasing more than you. C'est pas plus aigu que la patate rose, en fait. Mais... Non, c'est ça. Il y a non. Rien qui bat la patate rose. Cœur de pirate. Patate rose. La fille de Mother Mother. À la fin de la Marelle. Oui, mais oui. Quand elle crie. Oui. Alors voilà, on va aller écouter l'original, qui est très différente, vous allez voir. Donc, Edward Sharp, c'est dur de mettre Edward Sharp and the Magnetic Zeros. Edward Sharp and the Magnetic Mirror. Let me come home. Home is Edward Sharp and the Magnetic Zeros avec la pièce Home. Wow, c'est bon. C'est tellement cute en plus. Ben oui. Quand elle tombe de la fenêtre puis qu'elle se brise les fesses puis tout. C'est une histoire cute pas mal, ça, je trouve. Moi aussi, je trouve. Pas mal sympathique. Moi aussi, j'en ai un petit plat favori, Stéphanie. Ah oui? Tu me créeras jamais. Ah, je te crée pas. C'est une chanson de Vanessa Parietter. Ah ouais? Sur leur futur album qui s'en vient bientôt, là. Ils nous disent, dans les prochains mois, l'album va s'appeler « Le bruit nous emportera ». Vanessa Parietter, qu'on connaît évidemment pour la chanson thème d'Assemblage requis. Le... c'est eux, on les apprécie, on les adore, on les mentionne pas assez souvent, on devrait le faire plus. Donc, on va aller écouter leur nouvelle pièce que j'ai déjà écoutée, donc que j'adore vraiment beaucoup. C'est « Ébrille les lanternes » tout de suite. À la vie de croisière d'Assemblage requis, c'est le segment « Ton plat favori ». Au fond de la mer, j'ai c'est clairement les cheveux rouges. On va entendre, hein? Rien, je te dirais ça. La nouvelle pièce de Vanès Pariétaire sur leur futur album que j'ai donc hâte d'entendre. La pièce s'appelle Ébrille et les lanternes. On va vous tenir au courant et vous pouvez vous procurer leur album complet et puis leur maxi sur vanespariétaire.com. C'est gratuit. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. La seule raison qu'il y a de ne pas le faire, c'est qu'ils sont trop plates. Ils ont pas mis la chanson thème de Vanès Pariétaire d'Assemblage requis au complet en téléchargement. On devrait l'offrir, mais en même temps, les gens commenceraient à faire une émission qui s'appellerait Assemblage requis ailleurs. Ce serait beaucoup moins bon que nous. C'est sûr. Ce serait dur à battre, hein? Ouais. Inconfortable. Voilà. Ça, c'était mon dessert à moi. Mais tu sais que d'habitude, dans la vie, quand on est à trois dans une même chronique, ton plat favori, on a tout le temps droit à des petites crudités. Les crudités de Justine. Ben oui! Oh, des wow, crustines, si on veut. Des crustines, Yvan! Ah, je te vois toujours malade. Pas. Salut, Justine. Bonjour! Salut, petit porcinet! C'est bon, alors mes crudités aujourd'hui! Oui, c'est quoi? On est aujourd'hui, comme si c'était régulier puis qu'il y avait ça à chaque semaine, c'est la première fois que tu fais ça? Oui, écoute, non, c'est pas dans mes habitudes. De quoi qu'on parle? De manger des légumes? Non. De manger des carottes? Les deux, c'est pas dans mes habitudes. D'accord. Bon, c'est quoi ton plat favoureux aujourd'hui? Mon plat favoureux, c'est l'album que je viens de me rendre compte que c'est le titre de l'album, ça. C'est l'album Black Dub. Dub comme D-U-B, là? Ouais, Dub, pas Black Dub. Comme la mode du dubstep. C'est ça, c'est pas du dubstep. Ou du lip dub. Ouais, il y a tout un dubmatique. Ouais. Puis, ou dubmatique. Puis c'est ça, Daniel Lanois, c'est un petit monsieur québécois anglophone là, ouais, qui nous concocte des affaires super délicieuses. Ben, ouais. Là-dedans, il y a une chanteuse, elle s'appelle Trixie Whitley. C'est la fille de Chris Whitley, le premier bluesman blanc, maigre. Puis, on vous offre aujourd'hui la chanson I Believe in You. OK. Que j'aime bien. Est-ce que c'est bien club, comme tu l'as chanté là? Ah, non. OK. C'est pas club pantoute. J'ai bien hâte de voir ce que tu nous apportes comme crudité avec la petite trompette. T'as-tu une petite trompette? Oui, ouais, juste des crustines. Ah, encore, des crustines. Ça va rester, c'est des crustines, je pense. Ouais. On aime ça quand Justine vient s'incrustiner dans l'émission. Je m'incruste. Ouais. On va écouter ça de bord. It was hard to see, hard to see what has on Et I Believe in You, live off the floor. Pas le floor de notre studio, c'est fou parce que ça rentrait pas. Mais ça aurait planché de quelque part. On ouais, c'est dans la chronique, ton plat favori de Stéphanie Gagné featuring de Justine Renaud. Justine. And the Christine. Christine. The Christine. Ah, Christine, ok, ouais, ouais quand même, on ramène les jeux de mots que les gens comprennent pas. Ouais, ben c'est ça. Ah, excuse-moi. Les crudités de Justine ou les Christines? La misère avec la radio. Le cadre spatio-temporel qu'il faut que je comprenne avec les auditeurs qui. Calme, on se crée dans une émission de science-fiction avec des termes, là. Ouais, là. J'aime ça. Docteur. Who the fuck are you? Ok. Ok. Ouais. Moi, j'essaie encore de trouver son nom à elle. Qu'est-ce que tu cherches, Steph? L'animatrice de So You Think You Can Dance Canada. Ouais, sur le site de CTV.ca. Non? Mais là, je suis sur Wikipédia, c'est encore mieux d'habitude. Bon, wow. Nous, moi et les auditeurs, disons, on va prendre une petite pause pendant que vous continuez de faire ça. On va aller entendre une pause publicitaire, d'accord? Parce que c'est là qu'on est rendu. Il nous reste encore après ça les positions 4 à 1. On va entendre entre autres Tracteur Jack, Philippe B, Kid Sentiment et Méta Gruau dans la dernière heure de l'émission. Il va aussi y avoir deux autres chroniques si tout rentre. Là, on devrait être bien content d'avoir. C'est un fait number 2 pour aujourd'hui. Pas number 2 comme dans la mare, l'autre. Et ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Et moins de vulgarité, je vais essayer de me retenir dans mon langage. Essayons. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Je pense pas qu'on puisse se servir du porte-clés de ces fous comme bouée de sauvetage pour quitter le bateau, Justine. Je crois pas que ça marche comme ça. C'est un bateau? Oui, toujours à bord du SS Requis, le bateau qui nous emmène jusqu'au bout du monde tous les jeudis après-midi entre 13h et 17h, appel samedi midi et lundi 15h. Stéphanie Gagné en remplacement de Marie-Pierre Laforge-Bourret. Mathieu Plante en remplacement de personne. Et Justine Renaud dans le rôle des crudités de Justine ou les crustines. Exactement. Voilà. Tu dois nous quitter déjà? Oui, déjà, il faut que j'aille faire des commissions pour ma directrice de recherche qui veut que j'aille acheter des magazines scientifiques. Mais on s'en sac, non? Ah, mais je sais, c'est ça, j'y ai dit. Après ça, elle m'a mis à la porte, elle m'a donné des tic-tacs tout droit de l'Italie. Quelle sorte de tic-tacs? Ben, à la menthe, là, ceux qui donnent bon goût à la bouche, là, fait qu'elle m'a frenché après. Ah, ouais, cool. Ouais. T'es épouvantable. C'est des farces. Est-ce Maria, je t'écoute, s'il te plaît. Maria? Maria! Maria! Maria! Maria! Maria! N'écoute pas ça. Ouais, ben écoute tu pas ça, Blage Requis. Tu vas mouiller ta robe. Quoi? J'ai appelé à Ferland, une bande d'incultes. Ah, OK. Bon, ferme son micro. Je pensais vraiment qu'elle allait là. D'accord. Est-ce que tu as dit que t'animais assez fou, là? À Maria? Parce qu'elle t'aurait peut-être laissé faire. Bon. Donc, bye-bye. Bye-bye. Puis nous, on va continuer avec les positions 4 et 3, ça te va, OK? Ah, oh, ouais. Pas 4 daily, comme non, dans celui qui 4 daily, mais 4 et 3. C'est ça. 4 et 3. Tout à l'heure, en troisième, ce sera Tracteur Jack avec Paris-Robertval qui monte de 3 places. Et en quatrième, c'est Kid Sentiment avec la pièce Nos Insomnies qui monte de 6 positions. C'est à la vie de croisière d'assemblage requis sur C'est Fou! Wouhou! C'était fort, ça. Ah! Insupportable. numéro 3. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi. Ma bouche goûte encore le vin que j'ai bu en Italie. J'ai cassé la gueule à un Américain devant la fontaine de Trévi. Le contrôleur me surveille, l'air un peu surpris. Il semble bien armé, il est fier dans son habit. Ce doit être sa mère qui fait ses pantalons. On arrive à Paris. Pour impressionner les gens, ce doit être un Parisien. Et les Parisiens sont des crétins. À force de s'intéresser à tout, ils ne s'intéressent à rien. Paris était plus belle sur les cartes postales que je recevais chez moi. Dans un bistrot sur l'avenue, la mode piquée. Je commande un café avec du sucre et puis de lait. Le serveur me dévisage et me demande de répéter en français. Je renverse son plateau et je lui dis très calmement de finir sa Marlboro et de m'écouter attentivement. Je veux la café, s'il vous plaît. Paris était plus belle sur les cartes. Que je recevrai chez moi à Robert-Val. Le Louvre est une collection de bibelots, les Tuileries un jardin pourri. Versailles n'est qu'un vieux château, le Sacré-Cœur un temps fini. L'Arc de Triomphe traîne dans la rue. Je suis déçu par Paris. Tracteur Jack et la pièce Paris-Robert-Val en troisième position. Es-tu capable de refaire ça, de limiter le gars à la fin? Mettons. Tabribribib. Mettons non. Ça, là. Ouais, c'était juste avant ça. Hein. Ouais, pas mal. C'était pas vraiment là. Hein. C'est ça qui est ça, hein? Ouais, inconfortable. It's a fact. Ah oui, c'est un fait. Des fois, il faut me ramener sur le droit chemin. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Les 3 V, mets tes doigts ensemble, ça va faire 3 V si tu mets les 4 doigts de même. Là. Un peu comme sur un nouveau MacBook Air, là. Sûrement que ça y a un move à faire avec ça. commençons avec les capres. Tu connais les capres? Oui, je connais les capres. L'affaire Manger? Ouais, j'aime pas ça. Ben, c'est ça, moi non plus. Mais savais-tu que le plus petit est le capre, d'accord? Plus il est cher, parce que les plus petits capres ont plus de saveur que les plus grands capres. Et bon. Donc, si t'en achètes pas déjà, ben achète-en pas, mais moins encore. les gens qui sont intolérants au lactose, et je vais l'avouer, bonjour, hein, ça arrive. Hein. Donc, les gens qui sont intolérants au lactose peuvent quand même manger du yogourt et certains vieux fromages. Je ne savais pas ça. Ça dépend de la lactose qui reste dans la nourriture. La lactose, c'est le sucre qui est trouvé à l'intérieur du lait et dans d'autres produits laitiers. Donc, le yogourt qui contient des bactéries vivantes, des cultures de bactériologiques, bactériennes là, vivantes, typiquement, peuvent être mangés par les gens qui sont intolérants au lactose parce que cette bactérie-là produit assez d'enzymes pour que le lactase se défasse en morceaux et donc que ce soit plus facile à digérer. Genre, si je comprends bien le principe, mais je suis pas docteur. Là. My God! Donc, convertir les lactoses en acide lactique fait que le yogourt est beaucoup plus tolérable pour les estomacs sensibles que, bon, pour, bref, de ceux qui ont des intolérances. Le même phénomène est aussi vrai pour certaines variétés de fromage qui donc, sont mauvais d'habitude pour... bref, qui sont mieux pour eux autres. C'est pas compliqué, ça. Selon un professeur de sciences de la nourriture, Scott Rankin, de l'Université du Wisconsin, en théorie, la plupart des lactoses des fromages sont éliminés après 3 mois. Donc, un fromage plus vieux que 3 mois devrait être plus facile à manger. Okay, ben. J'espère l'avoir lu comme il faut. J'ai sûrement massacré un paquet de mots. La compagnie UPS, qu'est-ce que le brun peut faire pour vous, parlant d'intolérance au lactose? Donc, UPS a été fondée par 2 adolescents avec 100$ empruntés de leurs amis. Eh bien, la date, c'était le 28 août 1907. 2 enfants, donc de 18 et 19 ans, Claude Ryan, 18 ans, et Jim Casey, 19 ans. La compagnie, au départ, s'appelait American Messenger Company et se spécialisait dans la livraison de télégraphes et de dîners, donc dans le fond des lunchs, là, à vélo. La compagnie, dans le fond, était dans le sous-sol de quelqu'un. Là. C'était pas avant 1913 que la compagnie, qu'on appelle maintenant UPS, a commencé à livrer des paquets. C'est là qu'ils ont acheté leur premier Model T de Ford, la voiture, là, et ont commencé à arrêter. Donc, on a arrêté de se fier au vélo. Vous pouvez en savoir plus sur UPS, sur l'article assemblagerockey.com. Un autre début de compagnie, Lego, qui a démarré en 1932. C'était une compagnie de jouets en bois qui venait du Danemark. En 1949, la première brique Lego a été prototypée, si on veut. Donc, le premier prototype a été créé. La compagnie a changé du bois au plastique plus tard. Le nom Lego est un raccourci pour l'expression « leg got », qui veut dire « bien joué ». Un autre fait amusant, les briques Lego qui sont fabriquées aujourd'hui, en ce moment même, sont compatibles avec les briques de 1958. Donc, si on sort un vieux jeu de Lego, ça fonctionne. Et aussi, un autre fait intéressant, lorsque les briques Lego ne sont pas vendues, tu sais, si, mettons, ils changent de modèle ou quelque chose du genre, je sais pas trop quoi, puis ils discontinuent le modèle, ils vont les faire fondre et faire d'autres blocs Lego avec. C'est vraiment bien. On en parlait récemment dans la chronique Le Scout des Internets de Simon Fitzbé, qu'Apple avait eu sa propre console de jeux vidéo, la Pépine, dans les années 90, et c'est tout à fait vrai. J'ai quelques petits détails additionnels. Donc, la Pépine, qui était une console de jeux vidéo faite par Apple et l'aide de la compagnie de jouets Bandai, c'est une machine qui fonctionnait avec des CD. Ça coûtait 600$. Ça a débuté en 1995. Donc, il était en compétition directe avec la Sega Saturn, la Sony PlayStation première de ce nom et la Nintendo 64. Par contre, ça a été un échec misérable. Hein? Quand c'est sorti, le seul éditeur de jeux, était Bandai elle-même. Donc, il n'y a pas d'autres compagnies qui se sont joints à eux. Lorsqu'on combine ça au fait que ça coûtait 600$, ben c'est pas une surprise qu'ils ont réussi à en vendre que 42 000. Par contre, on pouvait l'utiliser à ce moment-là pour jouer au jeu Marathon, qui était le prédécesseur de Halo. Un jeu très populaire, évidemment. Tu savais pas ça, j'en suis certain, Stéphanie. Martha Stewart a été frappée par l'éclair 3 fois. Quoi? 3 fois! Ouais. Naturellement, c'est arrivé chez elle. Donc, la décoratrice maison, c'est arrivé dans sa maison. C'est là qu'elle aime être. Donc, elle a été frappée par l'éclair dans son estomac pendant qu'elle faisait la vaisselle pendant un éclair. Moi, j'avais toujours entendu dire que, tu sais, tu touches pas à l'eau quand il y a des éclairs. Mais là, je me faisais dire, oh, c'est n'importe quoi, ça, c'est niaiseux. Ben, gassé. Martha Stewart dans l'estomac directement. Une autre fois, elle était au téléphone, donc une autre chose qu'on dit de ne pas faire quand il y a un éclair, des orages. Et l'éclair a passé à travers une lumière chez elle et puis est arrivé sur sa main parce qu'elle tenait une barrière de métal ou quelque chose du genre. C'est passé à travers son corps et c'est sorti par son pied. Oh. C'est incroyable. Ah. Encore plus bizarre, elle s'est fait frapper par l'éclair dans son lit. Tu vois, un endroit où je pensais pas que tu pouvais te faire frapper par l'éclair, je me disais, t'es safe sur ton lit, tu sais. Apparemment que non. Ne vivez plus, tout le monde, vivez en peur, en fait. Voilà, donc Martha Stewart, 3 fois par l'éclair, et c'est vraiment pas chanceux, ça. Vraiment pas, là. Ça doit pas arriver à personne, non. Sauf elle. Moi, ça me fait peur de le vivre une fois, je veux pas le vivre 3 fois, certainement. La femme moyenne, et là, tu corroboreras ce fait-là, Stéphanie. La femme moyenne choisit 26 articles dans sa valise qu'elle utilisera jamais. Une étude a découvert, Découvert. Qu'une personne qui va partir en voyage pendant une semaine a besoin en général de 34 articles, mais la femme moyenne va en amener 60 juste au cas. On dit que 77% des femmes qui ont été sondées ont dit qu'elles mettent des articles qu'elles utiliseront jamais au cas où elles ne savaient pas quoi porter pendant le voyage. À cause de ça, 58% de ces femmes-là disent que c'est presque impossible de rester sous la limite de poids des bagages dans un avion, par exemple. On peut défaire les chiffres encore plus en disant qu'en moyenne, ils amènent 9 tops en trop, 8 de, de bas, là. J'essaie de différencier entre les hauts et les bas, là. Une paire de souliers en plus, 5 accessoires en plus, un maillot de bain en plus et des sous-vêtements en plus aussi. Présentement, là, à mon travail, il fallait que j'apporte toutes mes choses de Gatineau. Et attends, j'ai mes talons aiguilles, j'ai 2 paires de running, j'ai mes sandales de douche, j'ai mes sandales chic. Sandales de douche. J'ai mes deck shoes gris, j'ai mes deck shoes bleus. Ah, mais j'ai mes talons normaux. Donc, tu corrobores pas mon article, tu en rajoutes encore plus. Ah, je te dis, c'est épouvantable comment qu'on peut apporter du stock au cas où. Moi, je suis la personne la plus insécure ever, fait que je me dis, il faut que je l'amène du stock, parce que c'est sûr, si je l'amène pas, je vais en avoir de besoin. Parce que c'est exactement ça qui arrive. Si j'apporte pas quelque chose, je me dis, je n'aurais pas besoin, je suis sûr. Mais là, c'est là que j'en ai besoin. Ridicule. C'est synonyme d'être une fille. Oui. Sais-tu qu'il y a 100 000 produits différents dans un Walmart le plus général possible? En moyenne, 100 000 produits différents. Hein? Donc, tu pourrais tout mettre ça dans ta valise, peut-être, si t'en avais 15 000. En 2010, l'Église catholique a ramassé en argent 97 milliards de dollars. Et ils ont fait quoi avec ça? Je sais pas. On veut pas nécessairement savoir. Hein? Non, pas grand-chose d'utile, j'en suis certaine. Peut-être qu'ils ont acheté tous les produits chez Walmart. Peut-être qu'ils pourraient acheter Walmart avec cet argent-là. comment ça s'appelle ça? En Babylone? Est-ce que ça se dit en Babylone? Peut-être. Bref, dans le temps, d'accord, les Babyloniens, d'accord, prenaient leur bière tellement au sérieux que si quelqu'un faisait une mauvaise, en guillemets, une mauvaise batch de bière, il se faisait noyer dans cette bière-là. Donc, dans l'histoire ancienne, dans le vieux temps, ils faisaient de la bière là-bas et la qualité était très importante. Donc, ils disaient que quelqu'un qui faisait de la bière et qui n'était pas adéquat, dans le fond, c'était pas un breuvage adéquat, allait être suffoqué dans son propre produit. En Babylone. Mais. La peau humaine est une des meilleures sources de protéines ever. Quand même. Les roues, on parlait de roues plutôt dans l'émission, les roues ont besoin de plus d'anesthésie pour ne pas sentir les choses. Donc, ils ont fait une expérience avec 10 brunettes et 10 roussettes. Hein? Et on leur a donné de l'anesthésie, d'accord? Et on les a assujettis à des chocs électriques. Donc, les roues ont demandé 20%, ont eu besoin de 20% plus d'anesthésie pour devenir, pour dans le fond, plus sentir les chocs électriques. Ce test-là faisait partie d'une étude de 2002 à l'Université de Louisville. Et selon le test, dans le fond, les anesthésiologues, j'imagine, en français, devraient utiliser, en temps normal, plus d'anesthésie dans leur chirurgie pour les roues. Mais peut-être que cette étude-là, je ne sais pas s'ils sont au courant d'eux. Je ne sais pas s'ils le font. Peut-être que c'est plus difficile, pour vrai. Je trouve ça spécial. Tout à fait. Et on termine avec... ça va être un fait là, mémorable. J'adore ça. Est-ce que je l'ai encore? Ah oui. Écoutez-moi ça. Vous me direz si ça vous rappelle quelque chose. Je sors ça des boulamites. Là. Peut-être que vous vous rappellerez jamais de ça. Tropical. Ah, merci, il y a une pub avant. On va parler d'abord. Dans le vidéoclip pour YMCA des Village People, à aucun point dans leur vidéoclip est-ce qu'ils font les mouvements YMCA. Pourquoi? Parce que si on regarde ça, on s'en rend compte. En 1978, le classique, d'accord, il n'y avait pas la danse. La danse n'existait pas encore. La danse qu'on connaît sous le nom de YMCA Dance, quand on forme les lettres avec les mains, évidemment, je pense pas que j'ai à vous l'apprendre, mais ça a été fait pour la première fois quand ils ont performé la chanson devant public à l'émission American Bandstand de Dick Clark. Donc, Dick Clark leur a montré les mouvements de danse que les gens étaient en train de faire. Et puis, c'est là qu'ils se sont inspirés. C'est bien, hein? Et ben. Ça, c'est justement l'extrait dont on parle. On voit pour la première fois le groupe aller performer ça devant public. Puis la danse n'a pas rapport. C'est bien d'en parler, c'est fou, hein? Très bien. Moi, je me sens privilégié. Hey, puis ça sonne bien pour de la télé des années 78. Ben oui, je l'entends juste dans un de mes écouteurs. Hey, moi aussi, c'est vrai, je pensais que c'était mes écouteurs. Mais... Non. C'est du mono, ça, c'est de la télé. Ah, ouais, c'est de la télé, t'as mono dans ce temps-là. Regarde. Ah, voilà. C'est tout pour la chronique, c'est un fait. Aïe, aïe, c'est très utile. Ça finit sur une belle note, je trouve. Ouais. Le la. Une note très, très gay. Et joyeuse. Gay et joyeuse, d'accord. Comme un petit Zozio. Zozio. Zozio, j'aime ça de ça. Ah, bon, ben on va retourner. Il nous reste environ une demi-heure à l'avis de croisière d'assemblage requis pour aujourd'hui. Il nous reste seulement les positions, si je comprends bien, 2 et 1. Ah, on va y aller avec ton choix en premier. Donne-moi ça. Non. Laquelle tu veux? Attends, choisis ta pièce avant de me le donner. Je m'en rends pas. On va y aller au hasard. Oh, au hasard? T'es connu par cœur, c'est ton groupe préféré. C'est Eagle and Sarah, le duo ça de la mort. Ça sera vraiment pas par hasard. Non, en fait. Mais non, parce que même si je te le donne puis je dis un numéro au hasard, je sais c'est quelle chanson. Ah. Comme si je dis, admettons, la 11. Ils ont pas fait un remake de YMCA? Je penserais pas encore. OK, donc c'est quoi le nom de la pièce de Tegan and Sarah numéro 1 sur leur album Sainthood? C'est censé être The Ocean, en tout cas. The Ocean! Ça, c'est la vie de croisière d'assemblage requis. nouvelle de Metagruo sur leur album, en fait sur leur maxi, qui n'a pas vraiment de nom, puis il y a juste des pièces dessus. Donc il doit s'appeler Fut de poubelle Jupiter. Bon, c'est pas mal ça. Pas mal ça. C'était le numéro 1 la semaine dernière. Oui, maintenant c'est la chronique Ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Hey, mystérieux tout ça. Ça existe, mais ça devrait pas. C'est évidemment la chronique où on résout des problèmes que vous n'avez pas nécessairement. Donc, c'est pour rendre la vie plus facile, plus simple. Je crois que c'est clair. Commençons par, premièrement, les chips, ça coûte tellement cher. Tellement cher. Cher, non? Cher. Ben oui, c'est pour les riches, ça. C'est pour les riches, c'est un goût de luxe. Mais qu'est-ce qui coûte pas cher dans la vie? Au contraire, c'est les pauvres qui mangent ça, genre, sûrement, j'imagine. Des patates. En fait, tout le monde mange des patates, je pense. Tout le monde mange des patates. Tout le monde mange des patates. Bon. Mais ici, ce qui existe, une belle petite plaque, OK, qui va au micro-ondes. Donc, tu tranches tes patates, tu les mets dessus, tu mets des épices, évidemment, sinon ça goûte pas grand-chose. Tu passes au micro-ondes et après ça, la plaque peut aller au lave-vaisselle. Ça coûte 25$, c'est bien, non? Pour faire ses propres patates chips. Ou acheter un sac à 2$. Aussi. C'est fait en silicone, la plaque, en passant. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Il fait chaud en ce moment. T'as besoin de te climatiser le matelas parce que moi, en tout cas à la maison, dans le lit, il fait chaud. Même avec l'air climatisé, c'est pas crédible comment il fait chaud. Bon. Donc, aux grands mots, les grands moyens, nous dit-on, on peut maintenant se procurer le matelas climatisé Soyo qui extrait les surplus de chaleur non seulement de l'air ambiant, mais aussi du corps de celui ou celle qui dort dessus. Tout ça en silence, relativement, et pour quelques cents d'électricité par nuit. Le Soyo est réglable, programmable pour s'éteindre automatiquement après 6, 8 ou 10 heures, dépendant de la durée de votre sommeil. Hein? Et lavable. Et voilà, et là-bas. C'est disponible en importation pour environ 350$ avec la livraison incluse. Pas si pire. C'est pas un posture pédic. C'est un matelas normal, mais bon. Mais quand même. Rempli de technologie. Une tente que l'on porte sur soi maintenant, il semblerait qu'on puisse porter cette tente-là sur son dos et s'en servir comme imperméable pendant le jour. Donc, une combinaison de segments et de poches qui contiennent une tente, une veste et des pantalons imperméables, un sac de couchage et un filet anti-moustique. Tout ça en version légère et, on dit, un peu confortable. Hein? Si vous partez en canot camping pour un mois, peut-être que vous pourriez amener ça sur votre dos, puis après ça, faire une tente. C'est bien, hein? Très bien. Combien? Ça dit pas le prix. Cher. Puis l'article n'est pas très précis dans son utilisation non plus, je trouve. Une autre affaire à porter sur son dos, c'est un sac à dos qui se transforme en poussette. Et là, je vois la photo de ça ouvert, ça a vraiment l'air d'une poussette, en effet. Ça coûte entre 160 et 194$. Vraiment, ça inclut un harnais et toutes les affaires. Il y a la place pour mettre les pieds après ça, les roulettes, il y en a trois. Et quand tu le mets en sac à dos sur ton dos, il y a des poches pour mettre, disons, tes bouteilles d'eau, des couches. Donc, c'est pas pire quand même comme idée. Ça les roues sont où quand tu mets sur ton dos? À l'intérieur, je m'imagine au fond du sac. Mais tu peux pas mettre d'affaires dans le sac, c'est seulement sur les poches, sur le côté. Donc. J'aime ça, c'est quand même pas pire. Tu portes une montre, mettons, toi tu portes pas de montre, moi non plus. C'est difficile, j'aime pas ça porter des montres. Moi non plus. Ça mérite. Donc ici, c'est la Sprout Biodegradable Watch. Hein, parce qu'une fois que tu as terminé avec ta montre, tu ne l'aimes plus, tu veux changer le modèle, celle-là, tu peux acheter à terre. Pourquoi? Parce qu'elle est biodégradable entre 80 et 93% de la montre. Tu pourrais évidemment aussi la donner à un ami. Ça peut être plus sympathique pour l'environnement encore. Mais bon, donc ces montres-là sont faites de matériaux comme du bambou, du coton organique, du cristal minéral, là, super biodégradable, de la résine de maïs, tout ça à la place du plastique, et il y a même une batterie sans aucun mercure. Donc c'est pas terriblement cher non plus, on pourrait s'attendre à quelque chose de vraiment cher, mais c'est seulement 30$ pour les styles de base, il y a des modèles qui vont jusqu'à 75$. C'est vrai que c'est pas cher. Pas si pire. Un autre problème que toi, t'es une fille, aux dernières nouvelles? C'est long, tout évidemment. J'en retourne aux toilettes voir, mais dernière nouvelle. T'as de la misère à mettre tes clés dans ton porte-clés parce que, tu sais, avec tes ongles, c'est difficile de faire la petite. Tu sais, l'affaire pour mettre tes clés, là. C'est fatiguant, ça. Même les gars, on a de la misère, on se casse les ongles. Ici, c'est les Carabiner Keys. C'est comme une combinaison entre un truc, tu sais, là, comme pour escalader, là, l'affaire avec un snap, ouais. Tu sais. Bon. Mais c'est ça sur une clé. Donc, la clé a la forme d'une clé, mais en plus, il y a le petit truc en haut de l'ouverture où tu peux snapper. Et là, il t'en envoie le nombre que tu veux pour le prix que tu veux, évidemment. Et puis, ça vient en clé vierge, donc tu peux aller la faire dans un magasin à ta clé. C'est pas magique, ça? C'est combien, ça? C'est génial. Ça va être disponible cet automne. Le prix n'a pas encore été donné, mais le gars fait ça. C'est Scott Amron qui fait ça. Et il y a déjà un autre produit, ce gars-là, qui s'appelle le Keybrid.com. Keybrid, du coup, puis le site, c'est .com, on s'entend là-dessus. Lui, c'était une clé avec vraiment l'anneau, là, comme un vrai porte-clés. Donc, dans le fond, ça, c'est comme un modèle avancé et encore plus hot. Mais ça va être disponible. C'est un vrai produit que vous pouvez vraiment acheter à partir de cet automne. J'adore ça. C'est un de mes préférés à vie, ça, je pense. J'aime vraiment ça. Une autre invention que j'aime beaucoup, c'est les crayons au parmesan. Ah, parce que, tu sais, des fois, du fromage, pas tout le monde qui va aller en acheter parce que, bon, tu sais, c'est pas beau, ça, c'est pas attirant, tu sais, du fromage dans une allée, mettons, tu sais. Suis-moi là-dessus. À la place, c'est un crayon de parmesan qui vient avec son propre aiguisoir. Et puis là, tu peux faire des genres de copeaux de parmesan, mettons, sur ta salade, non? C'est tellement inutile! Ils en ont fait seulement 500 et ils ont tout vendu en dedans de 2 semaines de ces crayons parmesan-là. J'adore ça! Puis en plus, il y a une charte genre qui te dessine la longueur du crayon et ça te dit les calories que tu vas prendre dépendant de la longueur qui te reste de ton crayon. Vraiment le fun. J'avais aucune idée, j'étais vraiment pas au courant que les couteaux d'armée suisses, tu sais, les petits canifs suisses, là, dans le temps, entre 2002 et 2005, la compagnie Victorinox a fabriqué quelques couteaux d'armée suisses avec un lighter, un briquet à l'intérieur. Donc vraiment, tu pouvais ouvrir un briquet. C'était pas super safe, on s'entend. Mais c'était vendu pendant ces années-là et ça a été retiré du marché. Mais vous pouvez encore en acheter si vous êtes, si vous prenez une boîte postale en Australie, disons, ou que vous connaissez quelqu'un en Australie, vous le faire livrer là-bas parce que là-bas, les lois sont moins strictes qu'ici, tu sais. Donc, tu peux commander ça pour 130$, 129,50$. Alors, ça, c'est des dollars australiens. Ça fait 130 américains. Converti ça en canadien. Vraiment. Briquet. Non? Wow. OK, moins impressionnant. Le prochain, peut-être pas très impressionnant non plus, c'est un étui. Parce que, mettons, tu vas prendre des photos partout. Tu sais, tu t'en vas. Bon, tu veux prendre une photo de toi, une photo de quelqu'un d'autre. Mais t'as pas de trépied. Hein? Tu sais, mettons. Ben, c'est un étui qui se défait. Et une fois que tu l'as défait, il y a des pattes dedans de je me rappelle pas trop quel matériau. Là. Mais tu peux le twister, faire un trépied avec ton étui. Ou tu peux même wow. l'enrouler. Tu peux l'enrouler autour d'un barreau ou quelque chose, puis ça va tenir parce qu'il y a du caoutchouc après. Pour que ça tienne après un barreau. Puis là, tu mets ton appareil photo avec la petite vis qui est en dedans. Il y a toute une petite vis en dessous de ton appareil. Mm-hmm. Tu vires ça, puis ça te fait un trépied. C'est génial, ça. On devrait s'acheter ça aux zones campus, on arrêterait d'avoir des photos fixes. C'est un peu chien, moi. Ça coûte 24$ acheté chez Quirky. C'est un article en pré-vente en ce moment. Mais s'ils vendent les 1000 premiers qui sont nécessaires pour rentrer en production, parce qu'il faut qu'ils en fassent 1000 pour rentrer en production, là, après ça, le prix va monter à 30$. Pour l'instant, 24$, et là, vous ferez partie des 1000 premiers. Espérons qu'il y en ait plus que 1000, t'sais. Il fait chaud en ce moment, et t'aurais besoin d'une cravate avec dessus une petite pin, avec un ventilateur dessus. C'est le prochain produit de ma chronique, évidemment. Donc ça coûte 30... non, c'est ça. Ça va coûter 31$. 30$ de plus que le coût de fabrication, on peut s'imaginer. Ça utilise une fan d'ordinateur, en tout cas d'apparence. Ça ressemble vraiment à une fan d'ordinateur. Avec une clip, et tu mets ça sur ta cravate. Et ça fonctionne par USB, soit sur ton ordinateur. Mettons que tu es au bureau, tu te branches dans ton ordi. Ou à un battery pack qui va dans ta poche. Puis le fil USB, puis ça fait aller ta fan dans ta chemise. Hein? Non? Ouais, mais ça peut pas pogner dans le poil de chest. Ben, je crois pas parce que vu que c'est une fan comme un ordi, un peu, tu sais, il y a comme un genre de cadre de plastique autour de ça, fait que la est à l'intérieur d'une grille, genre. Mais bon point. Mais ça peut pas être vraiment confortable. Ça peut ne pas être très confortable, en effet. Puis faire une petite bosse sur le chest. Peut-être, mais vu que c'est après ta cravate, peut-être que le vent est assez fort pour faire, tu sais, soulever un petit peu le. De ta chemise, tu sais, non? Bref. Ça doit pas être chic. Doit pas être chic, en effet. On sait que c'est pas beau. C'est sûr que c'est pas beau. Ce qui est beau, par contre, c'est la souris USB Pixel Mouse. C'est une souris pour PC ou Mac, parce que c'est de l'USB, on s'entend que ça fonctionne sur les deux bords. En forme de la main, tu sais, quand tu vas sur Internet, sur Firefox, n'importe quoi, tu pointes un lien, il y a une main hein, pixelisée, là, mais en beaucoup plus gros, en façon pixelisée, donc point par point. Puis c'est ça ta souris, c'est pas génial, ça, d'être vraiment pas confortable, mais c'est beau à avoir sur un bureau. Ça. Comment qu'elle s'appelle? C'est la USB Pixel Mouse sur assemblagerequis.com. C'est donc super geek, ça coûte seulement 20$ chez P-Kid. J'aime vraiment le concept. Je suis sûr que c'est vraiment pas confortable et pas utilisable pour moi, mais bon, quand même. Tout est là, il y a même un bouton du milieu puis deux clics, fait que c'est parfait. Quelques petits derniers rapidement, cette fin des chroniques. Toujours la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a qui règle des problèmes que vous avez pas. Vous manquez de paille. Tu sais, les pailles, à un moment donné, tu bon, t'es jette, tu l'utilises, t'as la jette, t'es sale, la sèche avec de la liqueur dedans, tu finis par l'acheter, il t'en reste plus. T'as besoin d'une paille en titane. En titane. Solide. En titane. Donc, t'achètes ça. C'est super solide. C'est très, très léger. Évidemment, du titane, c'est ce qui sert pour faire des vélos, entre autres. C'est super léger. Très joli. Tu peux boire n'importe quel jus dedans. Ça se lave bien, qu'on le dit. Il y a une petite vidéo qui prouve qu'on peut l'utiliser pour, mettons, prendre un carton de lait, mettons, une pinte de lait, puis pling dedans. Parce que tu pourrais tuer quelqu'un avec ça. T'sais. Tu pourrais être non criminellement responsable d'avoir tué quelqu'un avec ça. Fling avec ta paille. C'est n'importe quoi. Pour une. En tout cas, je trouve ça bien. 15$ chez Thing Geek, c'est nouveau. C'est bien. Tout est bien pour moi. Faites du workout pendant que vous travaillez avec le super bureau qui est le Elliptical Machine Office Desk. Toi, t'aimerais ça? Tu pourrais l'acheter et le revendre après. Donc, c'est super facile. Ça vous permet de faire du elliptique, là. Vous savez ce que c'est. Vous mettez vos pieds sur ces pattes-là puis vous pédalez un peu comme un vélo. T'sais. À la place de sortir, aller faire du vélo, ben, restez assis sur votre ordi puis faites du vélo à... T'sais, quand même. Vous pouvez aussi l'utiliser debout parce que le vélo se relève sur ses pattes. Je trouve ça quand même bien fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah tiens, ça c'est beau, ça j'aime vraiment ça. C'est le 8-bit Pixel Cube Construction Kit, qui est un cube qui vient avec plusieurs cubes à l'intérieur. Okay? Donc, le cube... Oh, ben, c'est pas des cubes. Mettons que le cube au complet, c'est un cube, mais quand tu le défais, c'est plusieurs petits morceaux qui sont comme de la largeur d'un cube, de la profondeur d'un cube, mais de la hauteur d'un demi-cube, mettons. Fait que c'est comme des petits pions que tu peux placer et tu peux faire des personnages en 8 bits, un peu comme dans les jeux vidéo, la mode 8 bits, là, Black Eyed Peas, etc., qui ont fait là. Bon. Tu places tes affaires et tu peux faire des petits dessins avec ça. C'est super cool. Tu peux faire, mettons, la petite fleur dans Mario, tu peux faire, je sais pas, Donkey Kong, Space Invaders. Ils te vendent ça. Ça coûte 24$ pour 64 blocs. Et il y a des designs qui viennent avec. Ça vient en 8 cubes de 8 couleurs chaque. Bon, je vous nommerai pas tout, mais rouge, magenta, jaune, etc., etc. Et vous pouvez les mettre sur une surface plate pour faire vos propres animations. Après ça, peut-être faire du stop motion et devenir une vedette d'Internet sur YouTube en faisant une animation comme ils ont fait sur la page que j'ai mis sur assemblagerequis.com. Bon. Et puis l'autre, ben, à la fin, c'est des beaux petits haut-parleurs qui flottent. Parce qu'en ce moment, quand tu veux écouter de la musique super indie rock, hein, ou c'est fou, plutôt. Okay. Aux heures appropriées. Hein? Où il y a de la bonne musique. Ouais. Ah bon. Donc, tu mets ça dans tes haut-parleurs, dans la piscine, ça flotte et t'es content. Ça coûte combien ça coûte ça? Ça coûte. C'est pas écrit. C'est pas écrit, mais ça fonctionne jusqu'à 150 pieds du transmetteur. Signal à 900 MHz. Mais c'est pas mauvais avoir de l'eau là-dedans? Mais il est fait pour ça. C'est fait exprès pour flotter. Donc, on peut s'imaginer que c'est assez bien protégé dans tous les sens de la chose. Et l'émetteur, lui, doit pas l'être. Donc, lui, c'est pour ça qu'il est disponible jusqu'à 150 pieds. Mettez-le dans le patio, hein, en dessous du truc. Là. Mais ça, je trouve ça vraiment cool, par exemple. Ça, bon, je trouve ça utile. Avoir une piscine, là. Tu peux le brancher dans ton ordinateur ou dans un système de son à l'intérieur de la maison. Le transmetteur fonctionne sur pile ou sur batterie. C'est le Audio Unlimited Speaker. Si vous voulez vous renseigner, c'est sur assemblagerequis.com. Encore une fois, voilà, pour la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Il y en a là-dedans qui devrait peut-être exister. Hein. Celle-là. Là. Mais il existe. Celle-là. Qui devrait peut-être... Qui, en tout cas, c'est correct qu'il existe maintenant. Ouais, ouais. Il est cool, ça. Je trouve une plus belle façon de dire ça. Ouais. C'est tout. En passant, ça va être presque tout pour l'émission. Est-ce qu'on a le temps, à peine, d'aller entendre notre numéro 1, Philippe B, avec l'été? Puis après ça, revenir et se dire bye. Si tout va bien, on devrait avoir le temps de se dire bye assez rapidement. Okay? Je pense qu'on va avoir le temps. L'été, Philippe B, tout de suite, dans la vie de croisière d'Assemblage Requis sur C'est Fou. J'ai passé l'été le cœur sur la corde à linge et la tête au congélateur. J'ai passé l'été à regarder passer les avions au-dessus de Villeray et déjà dans le ciel une fille déshabille Montréal et la ville avale le soleil. J'ai passé l'été à écouter chanter les oiseaux, les rideaux fermés. Et parmi les mal-aimés, étendus par milliers, tout nus sur les grandes pelouses, et déjà dans le ciel, une fille déshabille-moi. avale le soleil. À l'envers, une autre fille de gaspiller, une autre saison en enfer. J'ai viré les heures à l'envers, une autre fille de gaspiller, une autre saison en enfer. Philippe B, la pièce L'été sur l'album Variation Fantôme, la position numéro 1 francophone. Alors ça, c'était Métagriot avec Feu de poubelle, plutôt dans l'émission qui descendait d'une place. Nous, c'est la fin de la vie de croisière d'assemblage requis. On doit se quitter en tempête, presque, ou en humidité extrême. Ah, ça oui. Je dirais plus. On va se retrouver la semaine prochaine, toujours les jeudis, entre 13h et 17h. Ce qui nous suit jeudi, c'est... en fait, il n'y aura pas d'une dose d'estrogène pour un long moment. Donc, habituez-vous à vivre sans. Et puis, à 18h, ce sera La Spirale. On est en diffusion les samedis à midi. Ce qui nous suit, c'est C'était fou, c'est moi qui anime ça. Et puis, les lundis, à 15h. Et ce qui nous suit, c'est à 19h, la sécheuse, puis à 20h, la Rock Révélée. Merci beaucoup, Stéphanie Gagné. Bien de rien. Évidemment, t'es pas là la semaine prochaine? Non, l'autre. Tu vas encore remplacer Marie-Pierre Laforge-Bourret dans 2 semaines. Oui. On verra ce que je ferai la semaine prochaine. on remercie Simon Fitzbay. On remercie qui d'autre? Justine Renaud, évidemment. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Non. C'est à peu près ça, l'émission d'aujourd'hui. On a passé un beau moment, je trouve. Oui, ce fut un plaisir de revenir. Merci encore une fois. Et bonne semaine, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.